Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. On se rend en Alberta pour la chronique musicale de Kiwan en cavale. Et on reçoit Xavier pour sa chronique Tais-toi cuisine. On a aussi un résumé des actualités sportives avec Nicolas Ducharme et du sport. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à une autre semaine d'Assemblage requis en ce lundi 5 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et on va avoir une belle émission pour débuter cette semaine. Ça sera même pas croyable. Non, c'est ça, quand même chargé pour un lundi de Spring Break. De relâche. Ben oui, certainement. Spring Break des Américains. Donc, cette semaine, presque tout le monde est là, sauf peut-être une ou deux exceptions. Mais aujourd'hui, on est rempli. Donc, Nicolas Ducharme va être avec nous à la fin de l'émission pour sa chronique Ducharme et du sport. Formidable, ça c'est vers 8h30. Mm-hmm. Vers 8h, on se croit Xavier. Oui. Avec sa chronique Tais-toi cuisine. J'ai hâte, j'ai soif. Donc, il nous parle de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on le sait? Aucune idée. Aucune idée. Bon. Non, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, encore une fois, Xavier. Donc, on va être heureux de le revoir. Avant ça, à 7h15, en tout début de l'émission, on va avoir Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta. Aujourd'hui, d'habitude, il parle de musique canadienne. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié, canadien-américain. OK. Les Américains, hein? Les Américains. Les Américains. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui, en plus de CNX tout à l'heure aussi. Mais on débute l'émission en francophone avec Winter Myths. Oui, Winter Myths, groupe avec un nom anglophone, mais qui a une pièce francophone. Voici Le Paradis, au 89.1 FM. C'est fou. my ears. Just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind. Dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go to reach and go. My dreams for tomorrow. It is slowly dying, slowly dying. Behind these dark gray clouds, sun always shines. I've 30 years, long black night. Morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind. Tomorrow, it is slowly dying. Still a long way to go to reach the goals of my life. I'm keeping my dreams for tomorrow. Et la pièce Long Way to Go. C'est doux. Oui, c'est doux. Doux le matin. Ben, comme Winter Myths, hein, la pièce Le Paradis qu'on a entendu juste avant. Mm-hmm. Moi, j'ai bien apprécié. C'est calme et ça réveille bien. Ouais, exactement. On aime ça. Encore une dernière pièce avant d'entendre la chronique de Kiwan en cavale. Kiwan! C'est toi qui l'as choisi? Oui, un vieux hit. Un vieux hit de Sifu. Et relatif, évidemment, à ces films. Ah non, mais comme c'est un hit, là, ça pour nous, c'est un hit, ben oui. Ça n'a pas le choix, c'est Lydia Broad avec la pièce Write It All Down For You. Et on va entendre ça à l'instant. Pour vous. Pour toi aujourd'hui. Merci. Un sondage requis pour toi aujourd'hui, là. J'ai compris la référence. OK. Well, Ce qu'on appelle dans le domaine un classic gold hit relatif à C'est fou. Hein. Mais c'est très bon. C'était Write It All Down For You de Elliot Broad. Exactement. Maintenant, François, on vérifie la liste ensemble. On a vérifié la pression des pneus. On a l'huile. Le miroir, l'huile, le changement d'huile, évidemment. Ah oui. On a mis du Prestone. Du Prestone. Chose wiper là, pour les windshield washer. Windshield washer pour ton windshield wiper. Mm-hmm. Bon. Donc, on peut s'en aller en Alberta. Voici qui ou en cavale. Kiwan, bonjour. Bonjour. Bon matin. Ça va? Bon matin à vous. Ben oui, ça va très bien. N'oubliez jamais le petit coup de pied sur le pneu. Hein. C'est ça le plus important. Pour la glace, hein? Ça, je pensais, c'est quand tu le magasinais. Ben aussi. C'est... Ben en fait, moi, je recommande à tous les jours. Le plus souvent possible. Ah ouais, à tous les jours. OK. Bon, écoute, je le faisais pas, je vais le faire. Il connaît ça, Kiwan. Ouais, tu sais. C'est Monsieur Muffler, qu'on l'appelle. Monsieur Muffler. C'est ça, ton... Donc, Kiwan, en direct de l'Alberta pour ta chronique musicale. D'habitude, tu nous parles surtout de musique canadienne. Je sais qu'aujourd'hui, tu varies un petit peu avec un groupe américain, ou en tout cas, un artiste américain aussi. Oui, ben cette semaine, j'ai découvert un petit groupe américain, puis je vais en parler parce que c'est un style de musique que j'aime bien. Puis j'ai aussi parce que j'ai écouté ça toute la semaine, donc c'était dur de trouver autre chose finalement quand j'ai un groupe comme ça que j'ai eu dans les oreilles pendant toute la semaine. Mmh. Ce groupe-là s'appelle The Boom Bang, et je l'ai découvert à cause d'un petit film que j'ai vu, un petit film en stop motion que j'ai vu qui est en fait la reprise du... générique d'ouverture de Teenage Mutant Ninja Turtles. Les Tortues Ninja, ouais. Wow. Exactement. Et c'est ça, je vous ai envoyé le lien pour la vidéo. C'est un film que Kyle Roberts a fait. Puis, c'est juste un petit film comme ça là, qui n'est pas si génial, qui n'est pas du grand art. Sauf que là, ils ont refait la pièce originale. C'est le groupe The Boom Bang qui sont des amis là, de l'auteur du film qui ont fait le cover de la chanson des Ninja Turtles. Et ça, j'ai découvert le groupe comme ça, puis je me suis intéressé un peu à ce qu'ils font parce qu'ils font quand même d'autres choses que le cover des Tortues Ninja. Quoique c'est en masse, là, mais... Ben c'est ça, je veux dire, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait des carrières comme ça avec une seule pièce de film. Mais pour eux, je pense que ce sera pas suffisant. Mais c'est un band qui fait un son. Puis si vous regardez le film, vous allez voir là, le son un peu rough là, de la chanson. C'est pas mal leur style courant, là, ce qu'ils font en général dans leur œuvre. C'est un son un peu garage, un peu... c'est quand même assez surf. C'est un mélange de punk et de musique surf. Je dirais le son ressemble à un mélange entre les Beach Boys et les Ramones, je dirais. Et c'est quand même assez rough aussi, là. La qualité du son, la qualité de la production, c'est qu'on voit que c'est quand même pas... c'est peut-être voulu aussi, là, mais ça sonne garage pas mal. Et moi, je vous suggère d'aller entendre la pièce Jabroni Ramoni de Boom Bang. Parfait. Donc voilà pour le Boom Bang qui vient d'Oklahoma City, en Oklahoma. Et l'autre groupe dont je vais vous parler, en fait, c'est un artiste solo. C'est le projet solo d'un artiste qui a commencé avec un band, mais dont le band n'a vraiment eu aucun succès. Et c'est comprenable. Encore une fois, un son garage, mais vraiment beaucoup plus low-fi là, que de Boom Bang. Là, je parle du groupe de Jordy, parce qu'en fait, l'artiste dont je vais vous parler de Winnipeg s'appelle Jordy. C'est pas Jordy, j'ai 10 ans. Non, il y a un S même pour le distinguer, j'imagine. C'est vrai qu'il y avait une confusion vraiment tout le temps. Possiblement, oui. Tout le monde leur demandait cette question-là. Fait que ouais, c'est ça, je sais pas en fait. Hein, si même aujourd'hui, même si tu tapes sur Google, Jordy, je sais pas si c'est vraiment, on parle de cet artiste-là en premier, là, mais bon, peu importe, lui, il met un S dans son nom et son groupe s'appelait Burnt Witch Survivors Club. Je trouve ça très drôle, mais la musique était plus ou moins bonne, donc je ne vous parlerai pas du groupe, mais plutôt de la carrière solo de Jordy, qui a commencé quand même récemment. Il a sorti deux EP au cours de l'année 2011, et c'est vraiment, je pense qu'il a vraiment trouvé sa place avec son projet solo comparativement à son groupe. C'est un mélange, il y a clairement des influences folk dans sa musique, mais quand même une touche moderne qui est vraiment bien intégrée. Des fois, tu sais, mélange folk puis avec des arrangements un peu plus récents, des fois ça clash un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment très très bien réussi ici le mélange. Et son nouveau EP, en fait, il vient de sortir un nouveau EP, un troisième EP cette semaine, donc le 2 mars dernier. Le EP s'appelle New Age. Puis celui-là, on commence à effacer un peu là, les influences folk. Ça va vers un petit peu plus le pop rock, je dirais. Mais c'est vraiment très beau. C'est assez minimaliste aussi. Là, les arrangements sont pas très, très étoffés. C'est souvent guitare, voix, drum. Donc c'est assez simple quand même, mais je trouve que c'est très, très bien fait. Je vous suggère d'aller écouter la pièce titre du nouvel EP qui s'appelle New Age. Ce sera ce qu'on entendra à la fin du bloc, mais on va débuter avec les boom, boom, bang, boom, bang, boom, boom, bang, bang. Le boom, bang. Les effets sonores, comme on les appelle. L'onomatopée. C'est exactement ça. Donc, Kiwan, merci beaucoup. Merci, Kiwan. La météo va bien là-bas? Elle se porte bien? Ben oui, on est en train de perdre notre neige. Là, la semaine passée, je vous disais qu'on avait eu notre tempête de l'hiver. Puis là, c'est pas mal toute partie. Il n'en reste plus vraiment. Top barouette. Bon, hein? Rien de trop beau. Hey, le paradis, ça. Profite-en. On est prêt pour le printemps, là. On te retrouve la semaine prochaine, lundi, à 7h15. Ben oui, passez une bonne semaine, les gars. Ben merci, toi aussi. Toi aussi. Bye. OK, bye. Oh, God. me semblait aussi que quelque chose fonctionnait pas. C'est bien ma faute, ça. C'est bien ma faute. Deux tunes en même temps. On était sur deux chansons en même temps, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va passer l'histoire, cette transition-là. Mais revoici Jordy. Et la pièce... New Age. C'est ça. Bon, ça allait bien jusque-là. Hein. C'est ça. Allez, la allez, démarre. Allez, vas-y, vas-y, petite démarre, chanson. Peut-être. Petite chanson. Hey, hein. Bon, là, je pense. Non. Ouais, inconfortable un peu. Juste à peine, tu sais. Ça commence. Un jour. Aïe, aïe, le buffering. Écoute, on va aller entendre autre chose. Ouais, ben, je pense qu'on aura peut-être pas le choix bientôt. Ouais. On passe à un autre appel. Aïe, aïe, on se croirait en 98 dans le temps de Real Player. Tellement qu'il y a du buffering. Par téléphone. Par téléphone, exactement. Ah, ben, quand elle veut pas du tout, hein. Mais... pas grave, on va l'entendre un peu plus tard. Ouais. Yeah, là, c'est vraiment beaucoup trop long. OK, donc on s'en va entendre Los Campesinos. On va entendre l'extrait Songs About Your Girlfriend. Et après ça, si tout va bien, on devrait revenir avec Jordy. S'il est chanceux. À date, peut-être qu'il est trop tôt le matin pour un enfant de 10 ans. C'est donc le joke de Jordy. Hein. Ouais. Elle est toujours pas partie. Hein. Non. Non, c'est... non, toujours pas. Non. Songs About Your Girlfriend par Los Campesinos. Et maintenant, si tout va bien, on devrait pouvoir aller entendre Jordy et la pièce New Age. Yay! Yeah, ça fonctionne. Ça va être bon. Digital individual, you know, self-celebritizing is a full-time escapade. The legions, the people. cheat-ons and cheat-ons lead and end. Attention's for attention is the new hate sensation is the new hate sensation is the new hate sensation, the new age. De Jordy. J'aimais ça? Oui, très bon ça. Les deux pièces en fait, je les ai bien aimées. Donc c'est dans le bloc Kiwan en cavale de Kiwan en direct de l'Alberta. On lui parlait par téléphone tout à l'heure. Mm-hmm. Beau travail comme toi. Beau travail. Ouais, tout est. Il est capable de dénicher des affaires, lui, comme on dénicherait des bons légumes ou des bons poissons en poissonnerie, tu sais. Il va à l'odeur. Il va à l'odeur. Ouais. Bon. Donc voilà pour Kiwan en cavale, c'est lundi prochain que ça revient à 7h15. On prend une petite pause et on vient avec la chronique Geek Cynix. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, il est 7h38 minutes. C'est le temps de CNX. Première chronique CNX de la semaine en ce lundi matin. Donc, on va résumer les nouvelles de mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est quand même pas mal de choses. Donc, blitz de nouvelles. Pas de niaisage. Commençons avec des chercheurs japonais qui ont trouvé une façon originale de protéger les maisons contre les tremblements de terre. L'entreprise Air Danshin Systems Inc. a mis au point un système pour faire léviter les maisons sur un coussin d'air. L'installation avait été faite sur 88 maisons au Japon l'été dernier. Le fonctionnement demeure assez simple. Lorsque un tremblement de terre se fait sentir, un capteur met en marche un compresseur à air qui permet de faire léviter la maison de son socle d'environ 3 cm. Il y a une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Différents contrôles internes s'assurent que la maison demeure stable le temps que la terre cesse de trembler. Lorsque le tremblement est arrivé à terme, la maison redescend tout simplement, tout doucement. Selon les créateurs de cette solution, non seulement ce serait efficace, mais ce serait aussi relativement peu cher. Le gars, il se fait brosser à tabarouette. C'est le fun, hein? C'est le fun, mais moi, ça me faisait penser, tu sais, l'affaire qu'on avait parlé l'autre fois dans un bateau, il y avait une table de billard sur un bateau de croisière et ça réussissait à rester tout le temps à angle exactement avec les vagues et tout ça. C'est le même genre de choses pour une maison, ce serait vraiment bien aussi. Mm. Que tu le sentes pas du tout, ça reste tout le temps à niveau. Bref, voilà pour ça. Une autre avancée technologique, combien de fois votre ordinateur vous a-t-il fait hurler de désespoir à cause de ces écrans bleus de la mort? Je demande l'article de branchezvous.com. C'est la technologie Effective Auto Tutor développée par l'Université Notre Dame et au MIT se répand. Vos enfants auront au moins la consolation de savoir que cette damnée machine sera au courant la prochaine fois du fait qu'elle ruine votre expérience. Effective Auto Tutor et son petit frère Auto Tutor sont conçus pour accompagner les élèves dans leur apprentissage en posant des questions, en analysant les réponses pour déterminer les explications additionnelles requises et en répondant aux interrogations de l'élève sans l'intervention d'un enseignant. Donc, c'est remplacer un enseignant par un robot, si on veut. Ils peuvent interpréter la posture et les expressions faciales de l'élève pour détecter de l'ennui ou de la frustration et même changer de stratégie d'enseignement pour l'aider à éviter ce genre d'émotions négatives dans le futur. Lors de tests effectués auprès de plus de 1000 élèves, le système a permis à ceux-ci d'améliorer leurs notes de façon comparable à ce qui se produit quand un enfant travaille avec un tuteur humain expérimenté et mieux qu'avec un tuteur humain débutant. Malheureusement, si l'ordinateur doté de Affective Auto Tutor est capable de détecter la frustration de son usager, il n'est pas en mesure de ressentir de la gêne quand il lui casse royalement les pieds. Mais quelle bonne blague! Moi, ça me rend inconfortable, les blagues de branchez-vous. Que voulez-vous? C'est à moi de pas y lire. Une célèbre boulangerie américaine lancera le 9 mars prochain à Beverly Hills, 90210, le premier distributeur automatique de petits gâteaux. La chaîne gastronomique Sprinkles souhaite que leur douceur soit facile d'accès à toute heure du jour ou de la nuit pour calmer les fringales nocturnes. Candice Nelson, celle qui a fondé l'enseigne en 2005, en a d'ailleurs eu l'idée après une rage de sucre tardive durant sa grossesse. Hein? Ça me surprend que c'était pas des cornichons avec de la crème glacée. Ces machines appelées Cupcakes ATM, ATM comme un guichet automatique, seront donc implantées au sein même du magasin et seront accessibles de l'extérieur. Nicole Schwartz, la directrice du marketing, soutient que la machine pourra garantir la fraîcheur des produits. La boulangerie fermant à 23h et les pâtissiers arrivant dans la nuit, le distributeur sera toujours alimenté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, c'est cool, ça. Il n'y a rien de pire que des petits cupcakes secs. Hein. Yeah. En plus des pâtisseries, les Cupcakes ATM proposeront d'autres articles comme des gâteries pour chiens. Okay. Ou de la préparation des fameuses friandises. Donc, tu vas pouvoir, j'imagine, faire tes propres petits gâteaux. Ah, oh, OK. Quelques 600 petits gâteaux de 8 saveurs différentes seront donc vendus au prix de 4$ au lieu de 3,50$ en magasin. Donc, 50 cents pour la praticité de ça. C'est quand même pas pire. Ils ne seront payables que par carte de crédit ou débit. Donc, vraiment comme un guichet automatique. Sprinkles possède 10 emplacements à travers les États-Unis et compte bien y implanter autant de distributeurs libre-service d'ici l'été. La compagnie souhaite par la suite en installer dans des endroits plus éloignés du magasin. Oh, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. T'engages un petit paquet de livreurs qui vient chercher ça frais à Baptiste puis dans le guichet automatique. Ouais, mais là, la façon que c'était dit, c'est que ça allait être dans la bâtisse même. Là. Ouais, c'est ça, mais ils veulent en faire plus loin de la boutique à un moment donné. Donc, ouais. C'est comme les kiosques de Baskin-Robbins. Pas Baskin-Robbins, c'est quoi le... En tout cas, l'enseigne de Bang, il y a ça, des dépanneurs au Québec. Là. Des Krispy Kreme. Krispy Kreme. C'est clairement pas fait dans la boutique, mais c'est amené par camion, ça, là. Ouais, ouais. Le matin même. Donc, des fois, c'est pas frais, frais. Vous avez peut-être entendu parler de l'ordinateur à 35$ qui a été lancé la semaine dernière. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Parlons-en. Ordinateur qui est vendu sans clavier ni moniteur, tout nu, même sans boîtier. Il n'y a pas de disque dur et ça se tient dans votre poche. Il compte deux ports USB, un port Ethernet, ça c'est pour brancher un fil Internet, un lecteur de carte SD pour compenser pour le manque de disque dur et pour installer Linux dessus, et même une sortie HDMI haute définition. Ses capacités graphiques sont à peu près équivalentes à la première console Xbox, c'est la première du nom. Et on vend ça à un maigre 35$. L'ordinateur Raspberry Pi, une invention britannique, se positionne comme une solution abordable pour inviter les jeunes à se lancer dans la programmation. Moi, je pensais que c'était plus pour les faire aller sur Facebook, là. Ouais. Mais bon, ça pourrait servir à plusieurs choses. Hein. Sauf que selon la BBC, le minuscule ordinateur en format carte de crédit pourrait s'attirer un autre marché, celui des activistes qui veulent s'assurer des communications sécuritaires à l'abri des Big Brother de ce monde. La BBC a notamment rencontré Nadim Kobesi, étudiant fort politisé à l'Université Concordia de Montréal, qui a mis sur pied CryptoCat, un logiciel qui sécurise les communications. Kobesi croit que l'ordinateur bon marché pourrait fort bien servir pour rendre les communications délicates encore plus sécurisées. Il compte lui-même acheter quelques-uns de ses ordinateurs, y installer son logiciel CryptoCat et les envoyer dans les régions du monde où la liberté d'expression est menacée. Corée du Nord, je pense. Corée du Nord. On n'a pas l'air d'aller sur Internet du tout. Ah, je sais pas. L'étudiant qui a déjà mis sur pied un site miroir de Wikileaks croit même que le besoin pour des communications sécurisées simples et bon marché se feront sentir en Occident où une masse de plus en plus gigantesque de renseignements personnels sont colligés par les grandes compagnies et les gouvernements. D'ailleurs, l'intérêt pour Raspberry Pi ne fait en tout cas aucun doute. Il fut si grand lors de son lancement mardi que, dans le fond, l'intérêt, que les deux sites des manufacturiers se sont écroulés sous la demande. Mais éventuellement, le site est revenu en ligne. C'est donc le Raspberry Pi. Maintenant, un texto mal corrigé qui provoque la panique dans une école. Ouais. Qu'est-ce qui est corrigé? Un innocent message texte mal corrigé a incité deux écoles de la Géorgie à confiner leurs élèves dans leur classe, craignant la présence d'une personne armée. Le texto qui se lisait ainsi, je cite, « Un tireur sera à l'entrée ouest aujourd'hui ». Ça a poussé la police à informer les deux écoles de la menace, selon le Times de Gainesville. Mais après avoir retracé le numéro de téléphone, la police a réalisé que le correcteur automatique avait changé le mot « gunner », comme tu sais « je vais »,« gunner », par le mot « gunman », tireur. C'est fort, hein? Pour ajouter à la confusion, le texto avait été envoyé à un mauvais numéro, de sorte que le destinataire, qui était sûrement un élève, ne l'a jamais reçu. C'est plutôt un membre de la communauté qui a reçu l'inquiétant texto et qui l'a ensuite signalé à la police. Donc, non seulement t'écris tout croche, mais en plus, tu l'envoies même pas à une personne. Ah, bon, ben... Depuis quand t'envoies un message texte sans passer par ton carnet de contact de toute façon, tu sais? Hein? Ah, regarde. Il y en a qui savent pas utiliser leur iPhone, hein, au primaire, au secondaire. Apple est la société la plus admirée par les cadres supérieurs et patrons américains pour la 5e année consécutive, selon une enquête de Fortune, et dans laquelle Google et Amazon se classent respectivement 2e et 3e. Google est 2e pour la 3e année de suite, tandis qu'Amazon effectue une remontée spectaculaire dans le classement, passant de la 7e à la 3e place. Selon ce sondage réalisé auprès de 3855 cadres supérieurs, membres de conseils d'administration et analystes financiers américains. Apple se classe premier dans toutes les catégories proposées aux sondés, donc innovation, gestion des ressources humaines, gestion des actifs, responsabilité sociale, qualité de management, santé financière, qualité des produits et compétitivité. Apple, Google et Amazon sont suivis dans l'ordre par Coca-Cola, IBM, FedEx, Berkshire Hathaway, Starbucks, Procter & Gamble et Southwest Airlines, la première société non-américaine et l'allemande BMW en 14e place. La Consumer Preview de Windows 8 a été téléchargée 1 million de fois en 24 heures. Ça a pris moins d'une journée à ce que la version, si on veut, bêta de Windows 8 ait passé le million de téléchargements. Un succès à relativiser, nous dit-on. Qu'on l'aime ou pas, force est de constater que la Consumer Preview du nouvel OS ou système d'exploitation de Microsoft attire les curieux. Elle est en ligne depuis mercredi dernier à 15 heures. Et a atteint son premier million de téléchargements dans la journée de lundi. Donc, pour autant, ce succès ne signifie pas qu'un million de Windows 8 a été installé. Certains internautes déclarent sur Twitter et ailleurs avoir téléchargé cette version d'essai plusieurs fois. Microsoft pourrait néanmoins évoquer le chiffre du nombre d'installations prochainement, à moins que ce dernier soit bien moins significatif que celui du million de téléchargements. Reste que le chiffre reste conséquent et révélateur de l'intérêt que portent les technophiles à ce nouveau Windows. Faut bien que quelqu'un s'y intéresse. La version définitive est attendue pour la fin de l'année 2012. Et si vous êtes curieux, et comme bien des gens, vous voulez savoir de quoi a l'air Windows 8, parce que je veux dire, bon, c'est pas tout le monde qui a vu les petites vidéos d'avant-goût il y a quelques mois, j'ai posté un lien de Clubic.com, une galerie photo, l'interface métro en images. C'est sur assemblage.com, donc vous allez pouvoir voir les petites tuiles fluorescentes. Je comprends, c'est laid. Moi, j'aime pas ça. Mais il y en a plein qui trouvent ça super beau. Les critiques de Windows 8 en parlent en bien et en mal, mais surtout en bien, à ce que j'ai lu. Moi, ça me plaît pas. Mais bon, chacun ses goûts. Hein. Ça va être le bureau? Ce qu'on voit sur l'image-là, ça va être l'interface par défaut, donc tu vas arriver là-dessus. Tu vas pouvoir avoir ton bureau normal, avec ton arrière-plan et ta barre en bas, mais ils vont enlever le menu démarrer. À la place, il va falloir que tu mettes ton curseur, ta flèche dans le coin, en bas à droite ou en haut à droite, genre les deux, pour faire apparaître un genre de menu. C'est complètement pas intuitif, mais apparemment que c'est comme ça que ça marche, parce que les gens se servent pas du menu démarrer de toute façon en général. Non. C'est comme ça. C'est vraiment, je trouve, Windows pour les nuls. Puis en même temps, c'est peut-être ça qu'il nous faut dans notre vie de tous les jours pour les gens qui vont seulement sur Facebook et Hotmail dans leur vie. Pas besoin de plus que ça. Un habitant d'un hameau de l'ouest de la France a assigné Google en référé, là, c'est très français comme article, jeudi à Angers après la mise en ligne sur son application Street View d'une photo où on peut l'apercevoir en train d'uriner dans son jardin. Oui. Je cite, il a découvert l'existence de cette photo après s'être rendu compte qu'il était devenu la risée de son village, a déclaré à l'agence France Presse son avocat Jean-Noël Bouillot, qui a plaidé une atteinte à la vie privée et au droit à l'image. Le plaignant a demandé le retrait immédiat de la photo et le dépôt par Google d'une provision de 10 000 euros. Hein. Je cite, mon client ne fait pas ça pour l'argent. Non. Ben non. Il veut simplement qu'on respecte son intimité. Respecte mon autorité! Donc, c'est très légèrement flou, la photo que l'AFP a pu consulter jeudi sur Google Street View. Ça montre un individu en train de se soulager dans la cour de sa maison. Je cite encore, « Mon client habite dans un tout petit patelin où tout le monde l'a reconnu. » a fait valoir Maître Bouillot en rappelant que le plaignant avait été surpris chez lui, portail fermé. La photo a été prise par un véhicule équipé d'un mât à caméra rotative utilisé par Google pour offrir des panoramas en ligne. L'avocat de Google, Christophe Bigot, a jugé invraisemblable l'action intentée par le plaignant. Il dit, je cite, « Google a mis en place un mécanisme très simple qui permet en quelques clics de rendre flou intégralement une silhouette si une personne le juge nécessaire. En mars 2011, la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait infligé une amende de 100 000 euros à Google pour avoir collecté des données privées à travers son programme controversé Street View. » Silentique aux ingénieurs de la compagnie Siemens, votre chirurgien pourrait bien disposer d'un assistant particulier la prochaine fois qu'il opérera sur vous. C'est un contrôleur Kinect. OK. Kinect comme sur Xbox. Siemens a développé une application basée sur Kinect qui traduit les mouvements lents et précis de la main d'un chirurgien en commande intelligible par un ordinateur, tout en ignorant les signaux semblables qui proviendraient des autres personnes présentes dans la salle d'opération. Ce système permettrait au chirurgien d'accéder à toutes sortes d'informations sur le patient, par exemple de zoomer dans une image produite par résonance magnétique ou de naviguer dans une série de radiographies sans toucher à quoi que ce soit. Un avantage indéniable en salle d'opération puisque moins les membres d'une équipe chirurgicale touchent à de l'équipement, moins il y a de risque d'infection. Ah, c'est pas pire, c'est par exemple. Ça met du sens. Ce genre de système serait particulièrement utile lors d'une intervention chirurgicale réalisée avec un cathéter doté d'une caméra miniature. La technique sera bientôt testée dans deux hôpitaux, mais dans des conditions qualifiées de semi-réalistes, c'est-à-dire sans véritable patient. Ouais, quand même, on voudrait pas tuer quelqu'un non plus que ça. Pas de suite. Pas de suite, plus tard. un jour. Et dernière nouvelle, la Steambox, qui est un hybride entre une console et un PC. Vraiment très, très intéressant. Donc, il y a à peine deux semaines, Valve ouvrait la porte à fabriquer son propre ordinateur si ça devenait une nécessité, dit l'article d'ArtGamers.com. La compagnie a peut-être déjà conclu que c'est une nécessité parce que selon The Verge, Valve pourrait annoncer de la Steambox lors de la Game Developers Conference cette semaine. Ce serait un ordinateur qui s'apparenterait légèrement à une console. La compagnie pourrait aussi attendre au E3 à la place de la fabre au GDC. Donc, selon les sources du site, Valve a démontré une version de la machine lors du CES. C'était la foire de produits électroniques au début de l'année. Afin d'attirer certains partenaires, la Steambox inclurait un processeur Core i7, donc quelque chose de très avancé côté processeur, une carte graphique Nvidia et 8 GB de mémoire RAM. Le système sera capable de jouer des jeux PC, non seulement ceux disponibles sur Steam, mais aussi ceux des autres boutiques. Bref, un PC, c'est pas mal ce que ça veut dire. En fait... En quoi ça, c'est nouveau? Excuse-moi. C'est qu'à la place d'avoir à acheter un ordinateur... ou une console, tu vas pouvoir acheter un genre d'entre-deux qui est un ordinateur vraiment, vraiment pas cher, mais qui est aussi puissant qu'un ordinateur. Tu vas pouvoir aller sur Internet? Non, mais ça va être pour jouer à des jeux à télécharger à la place d'avoir ta console de jeux vidéo qui fait que jouer des jeux de PS3 ou de Xbox. Ton ordinateur va pouvoir jouer à tous les jeux PC, à tous les jeux qui sont disponibles sur Steam. Steam, c'est un... si tu vas sur Steam... Non, je connais pas ça, en fait. Ben, c'est ça, c'est quelque chose de vraiment gigantesque pour la communauté des jeux en ligne. Ils ont, en ce moment, là, 3 059 316 joueurs en ligne. Okay. Depuis les dernières 48 heures, 3 millions de personnes Mais c'est quoi, tu joues sur le site internet, non? Non, c'est un logiciel, c'est comme un entremetteur, si on veut. C'est un logiciel que tu installes sur ton ordinateur, PC ou Mac. Et là, tu peux télécharger des jeux qui sont disponibles soit sur PC ou sur Mac à partir du magasin Steam pour vraiment souvent pas cher. Il y a des deals vraiment souvent. Et là, tu joues à ça via le logiciel Steam. Donc, c'est une communauté en ligne. Tu peux jouer online, multiplayer, etc. Là. Comme, mettons, si tu vas dans les genres... T'as même des jeux gratuits en ce moment, tu peux jouer à... Il y a vraiment des gros noms là-dedans, Star Trek, entre autres. Il y a Limbo, que j'adore, qui est vraiment bon. Portal 2, un des jeux les plus populaires en ce moment sur les consoles, est aussi disponible sur Steam. Donc, il y en a vraiment... La plupart des gros jeux en ce moment, t'as pas vraiment le choix de le sortir sur Steam si tu veux avoir un énorme succès. C'est très, très, très gros. Donc, c'est steampowered.com, le site. Cet ordinateur-là dont on parlait, qu'est-ce qui fait que c'est partiellement une console? C'est que la Steambox pourrait se connecter à votre télévision et faire fonctionner des jeux PC grâce à The Big Picture, qui permettrait d'utiliser Steam sur votre télévision. Donc, annoncé en 2011, The Big Picture, qui devrait être réintroduit par Valve bientôt. Selon The Verge, l'objectif de Valve avec la Steambox serait d'identifier un cycle de vie précis pour les jeux et les développeurs, avec des changements qui seraient apportés à tous les 3 ou 4 ans. Donc, j'imagine qu'il y aura une nouvelle version de la boîte à tous les 3 ou 4 ans. Un peu comme un PC, tu peux le mettre à jour. À un moment donné, tu n'as pas vraiment le choix. Le site rapporte que l'ordinateur supportera de nombreux périphériques USB qu'elle pourrait inclure une manette. Donc, à la place de dépendre d'une Xbox où tu as seulement les jeux d'Xbox, tu sais, la compétition entre les consoles, entre les compagnies de consoles, c'est pas toujours avantageux pour le joueur. Alors que sur Steam, il y a beaucoup plus grande variété de jeux qui sort. Okay. L'Apple TV aussi qui inquiète Valve. Le patron Gabe Newell n'est pas un partisan du modèle fermé d'Apple. Donc la Steambox serait une plateforme ouverte. Donc la Steambox qui serait la plateforme Android. Un peu genre l'équivalent de Android pour la télé comparé au modèle Apple. Pour donner de la crédibilité à la rumeur de cette Steambox, Kotaku, un site internet, a découvert que Valve a déposé un brevet pour une manette de jeux vidéo. Une manette très spéciale puisque le joueur serait capable de changer les composantes. Le joueur pourrait de la manette. Exactement. Donc, le joueur pourrait décider de l'endroit où placer les boutons. Ce qui serait parfait pour les personnes handicapées, entre autres. Ouais, ouais. Bon. Donc, les pardon. Tout dépendait aussi si t'es familier avec une console. C'est comme moi, mettons, ma Xbox, mes pitons sont comme peut-être un peu plus éloignés que toi. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, c'est ça qui est le fun parce que la Xbox, c'est que t'es vraiment. Hey, excusez-moi. Je sais pas ce qui m'arrive dans ma tête. Mais sur Xbox, tout est très très fermé. Il faut que tu joues avec les jeux qui t'offrent, avec la manette qui t'offre. Si tu veux une manette. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Je pense qu'on va arrêter la connexion. Voilà pour CNX, on se reprendra demain pour d'autres affaires, dont entre autres les nouveautés en magasin cette semaine. Mais pour l'instant, on va entendre Simon Kingsbury à son âgerie. Yeah. des frères pareils. Regarde les gens qui sont si au loin, excités par ton dernier refrain. Pyrotechnique, tu fermes les yeux. Rien à faire, faut juste donner. Avant tout, faire péter. Prendre une chance, une autre pour la loque. Avant de partir en fumée. Simon Kingsbury, la pièce Feu d'artifice. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve tantôt avec Xavier Antoire et sa chronique Tais-toi et cuisine. Je pense qu'on va manger du poulet avec la petite sauce. Tantôt. Notre coco aussi. Ah, ben quand même. Un pouce en l'air. Deux pouces en l'air. OK. Je vois, ah oui, deux pouces en l'air. C'est donc bon, ça. Les yeux fermés, ouais. Ah, hey. Oh, petit clin d'œil et tout. Ça a l'air clin d'œil. Ouais, ça a l'air bon. Alors, reste avec nous. C'est Assemblage requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 5 mars 2012. François Marchand est son nom. Et Mathieu Plante est le sien. Ah ben, on apprend des choses. Lui là, c'est qui, là? Chose, là, ça commence par un X. Combien il y a de prénoms qui commencent par X? Hein? Ouais, mais il y a de la couleur des cheveux, puis ça, j'aime pas ça. Ça, ben, c'est couleur patriote, vert et genre d'orange jaune. Orange. Oh, tu l'as fâché, là. Non, c'est un genre. Il y a des éclairs dans ses yeux. C'est orange. C'est un orange, point. Juste un orange, là. C'est du orange. Je voulais pas te vexer, excuse-moi, non. Donc, c'est Tais-toi et cuisine. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu chanter sur ta chanson. C'est même la dernière fois que j'étais venu pour la chronique, j'avais pas chanté, je pense. Non. Ah, je m'appelle pas, ça se peut. Ça fait combien de temps, 2 semaines? Oui, il y a 2 semaines. D'accord. Donc, Xavier Antoine qui est de retour pour sa collègue Tais-toi et cuisine. Et aujourd'hui, je sais qu'on va manger du poulet. Pas aujourd'hui, pour votre dîner. Plus tard dans la journée. Je sais que François aime pas ça, manger de la viande pour le déjeuner. Non, mais je trouve ça raide. J'avoue que du poulet à la sauce le matin, moi non plus, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai. Du bacon, ça peut passer. Oui, des saucisses, ça peut passer. Ça, c'est excellent. Des morceaux de poulet comme ça dans la sauce, non. Oui, donc on va manger ça plus tard. On a du thé aussi à goûter. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Ben dans le fond, les thés que vous avez en dégustation aujourd'hui, François, ici. François, Xavier. François, il est parti. François, ça va être le thé oolong vie. Donc un thé oolong avec des morceaux de pêche d'abricot. Oh, tu m'as gâté à matin, toi, là. Pêche d'abricot. Avec un petit peu de zeste d'orange et des amandes à l'intérieur. J'espère que t'es pas allergique aux amandes. Non, juste au kiwi. Mais okay, ça sent super bon. Donc, thé oolong qui est censé accélérer un petit peu le métabolisme, bloquer l'absorption des gras et les brûler un peu plus rapidement. Donc, c'est pas pour ces propriétés-là que je t'ai donné le houlang. Tu prends soin de moi? Ah, je prends toujours soin de mes animateurs préférés. Oh, c'est fin. Et Mathieu, oui. Rooibos que tu as, un rooibos vert, un mélange de vert et de rouge en fin de compte. Donc, avec un mélange de pommes, papaye, pêche et mangue. C'est les pommes que je chantais surtout, en effet. Oui. Donc, il est quand même très populaire, le houlang, le vert et fruité. Donc, les deux thés qui sont extraits de la collection permanente, extrêmement fruité, parfait en thé glacé aussi. Oh, ça doit. C'est très, très bon, ça. J'ai quand même hâte d'arriver à l'été, rien que pour les préparer en masse en thé glacé. Là, t'en fais en ce moment un petit peu l'hiver. J'imagine que t'es glacé une fois que tu vas magasiner, t'as chaud avec ton manteau et tout ça. Ça doit arriver que les gens commandent. Oui, ben, dans le fond, les thés glacés, les lattés glacés aussi, ça se fait quand même assez régulièrement. Ouais. Quand même. Généralement, les lattés, ça va être plus être avec les thés chai ou les thés chocolatés. Pourquoi? Ben parce que juste que le lait se prête très bien avec le petit mélange d'épices ou avec le chocolat. Comme par exemple, Explosion chocolatée, le maté avec le chocolat framboise amande. Avec du lait, il est vraiment magique. C'est vraiment un chocolat chaud, c'est comme si tu prenais comme un chocolat glacé. Genre. Ça doit être bon. Moi, je suis encore à la maison sur la douceur de Noël en ce moment. Je trippe tellement dessus, celle-là. Est-ce que je t'ai dit qu'il est devenu permanent? J'ai entendu dire ça, mais il a changé de nom. Hein? Et ben, oui. Alors, le nom est très compliqué. Il s'appelle Orange Chocolat. Orange Chocolat. Mais ça le décrit parfaitement bien parce que c'est ça que ça goûte. Parce que c'est un puer avec de l'orange puis du chocolat. C'est bon. T'as même pas besoin de le frapper sur la table comme les oranges au chocolat. Si t'as pas beaucoup de puissance dans les bras, tu peux y aller direct avec ça. Et pour vous parler un petit peu de ce que je vous ai cuisiné aujourd'hui, dans le fond, j'ai utilisé encore une fois un petit ayurvédique. C'est quoi déjà ça? Ouais, c'est quoi un ayurvédique? Ayurvédique. A-Y-U-R-Védique. Ok. Et ça fait quoi? Bien épilé. Dans le fond, selon une vieille médecine indienne, chaque personne est composée de trois doshas. Donc, c'est vraiment trois entités à l'intérieur de nous qui vont générer nos humeurs et notre caractère. Trois entités? Oui. Ah, ouais. Dans le fond, le kapha, le pitta et le vata. Le pitta? Le pain et pitta. Le pitta. Ah! Je pense que tu m'avais fait cette joke-là quand j'avais présenté les ayurvédiques. Ça se peut. Ouais, ça se peut. Ben, rappelle-toi les huiles pour le pain que j'avais ramené. Oui, c'était bon, les petits genres de beurre. Ben, oui. C'était ça. Okay. C'était avec les ayurvédiques dans l'huile. Puis, c'est ça. Donc, on a sorti une nouvelle gamme d'ayurvédiques avec Calcutta, curcuma, fenouil, pradesh, rose mahal, goa gingembre. Et dans le fond, j'ai cuisiné avec Calcutta curcuma, qui est un rooibos avec des zestes d'orange et curcuma à l'intérieur. Ok. Est-ce que vous voulez que je vous explique le processus par lequel je suis passé pour le créer? Rabat-joie. Donc, moi, je veux le savoir. Toi, tu veux le savoir? Ben, je vais te regarder pendant que je vais le dire. Là. Alors, deux filets de poulet émincés finement. Tu fais comme des espèces de lagnoles. Exactement. Dans le fond, c'est vraiment des petits morceaux de poulet que j'ai fait revenir un petit peu dans l'huile. Légèrement salé, poivré. J'ai rajouté un demi-oignon. Ça, des oignons, tu peux en mettre. Moi, j'aime ça. Ok, ben, c'est vraiment des gros oignons rouges que j'ai mis. Un demi, en fin de compte. Ok, espagnol. Des oignons espagnols. Sinon, j'en veux pas. Non, mais eux autres, c'est rouge, habituellement. Je te dirais que moi aussi, ceux que je connais le plus de mon côté, c'est les oignons rouges. Ah. Donc moi, ça ne me change pas énormément, je te dirais. Je me sens pas espagnol parce que je mange des oignons rouges. Parfait. De toute façon, j'aime pas ça. Caramba. Calor. Je parle couramment espagnol parce que j'arrive à dire Enrique Iglesias. Oui. Arriba. Ça, c'est, je pense, c'est peut-être mexicain. Probablement. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé par faire revenir un petit peu le poulet, légèrement salé, poivré. J'ai ajouté les oignons pour les faire fondre un petit peu une fois que le poulet commençait à être bien doré. J'ai versé ensuite une quantité concentrée, mais très concentrée, de Calcutta curcuma. J'ai mis... Tu sais que t'avais dilué dans l'eau, j'imagine? Je l'ai pas dilué dans l'eau, je l'ai fait infuser. Tu l'as fait infuser? Donc, eau bouillante avec... dans le fond, j'ai mis 4 onces d'eau bouillante avec 4 cuillères à thé de Calcutta curcuma. Ok. Et puis ça, tu le laisses dedans? Je l'ai vraiment laissé infuser comme depuis le début que j'ai commencé à faire revenir mon poulet jusqu'au moment où je l'ai versé. Ok. Et ça bouillait tout le temps? Non, ça bouillait pas. Non? Dans le fond, j'ai fait bouillir mon eau avant et après je l'ai versé. Parfait. Donc après je l'ai filtré, je l'ai rajouté à l'intérieur pour justement réattendrir un petit peu le poulet et faire fondre les oignons un peu plus avec ça. Okay. Laisser un petit peu comme évaporer tout ça et j'ai rajouté de la crème en fin de compte sur le dessus. Ok, au lieu de le passer à ta mie, t'aurais pas pu laisser comme le thé là, non? C'est trop concentré quand tu manges? Ben je te dirais que C'est ce que je voulais faire à la base, mais j'hésitais un petit peu entre les deux procédés. Parce que si je mettais le thé directement à l'intérieur, on aurait eu des petits morceaux de rooibos aussi dans la sauce. Et dans une sauce, je te dirais que ça s'y prête mal. Ouais. Moi, s'il y avait juste des morceaux d'orange à l'intérieur, j'aurais peut-être pu le faire. La sauce croquante, des fois, c'est moins. C'est ça. Donc, c'est pour ça que là, sur ce coup-là, j'ai préféré. Mais vu que c'est infusé, j'imagine, ça doit pas être vraiment solide dans le sens où. D'être mou un peu quand même. Ouais. Ça pourrait être peut-être dans une sauce, non? Je sais. Je pense que toi, l'expert. Je te dirais, je referai le test, mais le rooibos reste quand même assez dur, même une fois infusé. Okay. Donc, je referai le test au pire, puis je vous ramènerai ça avec la variante la semaine prochaine, si vous voulez. Ça fera plaisir. Je connais déjà la recette maintenant. Ouais, puis, c'est ça. Donc, j'ai fini avec vraiment la touche de crème. Je ne l'ai même pas resalé par la suite. Non? Non, avant de rajouter la crème, j'ai mis la noix de coco. Ouais, c'est vrai, il y a de la noix de coco. Justement, je suis vraiment allé dans une grosse inspiration indienne. Mais attends pour celui-là. Tu as rajouté le bouillon, le bouillon, ce qui est en fait de l'eau avec le rooibos. C'est ça. J'aime ça quand il commence à dire avec du rooibos, etc. Il dit même pas avec le thé, il emploie les thés. Ah non, écoute. Prochaine étape, il va dire exactement le nom des thés que j'utilise. J'apprends du maître. Mais c'est ça, en fait, après ça, t'as rajouté la noix de coco? Ben c'est ça, juste après j'ai rajouté la noix de coco aussi. La noix de coco en canne ou? Ben justement, j'hésitais entre prendre du lait de coco ou prendre juste de la noix de coco râpée. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté de la noix de coco râpée pour mettre de la crème 35% de cuisson par la suite. Ok. Et puis, tu fais bouillir ça, non? Tu fais mijoter ça? Je l'ai juste laissé mijoter environ un petit 5-10 minutes après, juste pour que la crème... Ça forme un tout. Juste pour que la crème pénètre un petit peu dans la viande, etc. Non, tout monsieur... Non, c'est ça? Ah. Non? Oh, mon Dieu, on l'a vu venir servir avec le sourire. Bon, entre venir, mon son, et puis François qui dit venir, on aura tout entendu un matin. C'est fait. Voilà. Puis, c'est meilleur que maintenant, la meilleure chronique qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ah. Ouais. Je n'ai pas encore parlé de poche. Ouais. Mais ça s'en vient. On a fait le tour, je pense, de la poche. On a assez usé la poche. Oh, c'est encore mieux dit. Bravo. Donc, c'est pas mal ça. Donc, vraiment, ma grosse inspiration indienne. Donc, si moindrement vous avez le goût. Rajouter du calcuma curcuta, c'est quand même très agréable. Ou du rose mahal pour avoir une sensation plus florale, légèrement piquante aussi. Et je vais vous parler des petites exclusivités. Oh, des scoops. Des scoops. Des sneak peeks. Demain, mardi 6, on fait le lancement de la collection printanière. Ouh! Ah ouais. Là, ben, est-ce qu'il y a des stands de dégustation? Est-ce qu'on peut aller goûter? À partir de demain, déjà demain mardi, il y aura deux thés de la collection printanière en dégustation. Donc ça va être même pas un permanent, un saisonnier. Ça va être deux saisonniers directement qui vont être en dégustation. J'ai pas en tête lesquels ça va être. En tout cas, je pourrais vous dire que la collection est quand même très prometteuse. On l'a goûté hier soir pendant le meeting de staff. C'était vraiment magique. Ouais. Pas d'indice sur les salons. Ah oui, mais attends un peu, là, on va en avoir, là. Sinon, on le laissera pas partir. Mais on peut s'attendre à... Ah, tu vas me séquestrer? On va te séquestrer. Ah, c'est fou. Hein? Il y a pas rien que ça, je pense. Non, mais on peut s'attendre à quelle saveur, peut-être? Des saveurs un peu qui reviennent. Mettons, est-ce qu'il y a de l'érable à quelque part là-dedans? Pour, Non. À l'érable, on en a un qui est permanent, cabane à sucre. Ah oui, ben oui. Mais ça, ça se vend bien? Ben, dernièrement, c'est comme, je pense que... Samedi, je pense que j'en ai vendu pas mal de cabane à sucre. Je suis comme, wow, ok, le temps des sucres s'en vient. C'est ça. Mais finalement, il y en a un, vous risquez de pas être vraiment surpris. Il a déjà été là, fut un temps. Ok. Je ne citerai personne, je ne dénoncerai personne. On en aura un qui va être vraiment sucré, avec des bonbons, mais des véritables bonbons, comme des petits... Pas des gummy beers? Non. Ou pas des cannes de bonbons comme à Noël? Non. Mais ça va goûter un peu... Des Starbursts? Oh, des Starbursts, c'est bon. Je vous dirais que ce serait un petit peu comme des petits haricots de sucre. Ah, les jelly beans? Ah, je n'ai rien dit. Hey, un thé aux jelly beans, toi? Ça fond, j'imagine? J'adore ça. Non, ça ne fond pas. Ben, dans le fond, ce qui est quand même agréable, c'est que tout ce qui est dans les thés, pour la grande majorité, ne va pas fondre. Parce majorité. Comment? T'as compris majorité. Les thés? Oui, la majorité. Oui. Oh, je n'ai même pas capté ça. Donc, c'est ça. Donc, ça ne va pas vraiment fondre à l'intérieur parce que les températures d'eau ne sont pas assez fortes. Il faudrait vraiment mettre le thé en tant que tel à grosse chaleur pour que ça fonde. Donc, du coup, bon, c'est ça. Il faudrait vraiment s'entêter. C'est ça. Donc c'est ça, c'est ce qui garantit un petit peu le fait que nos thés sont 100 calories. Parce que si maintenant ça fondait, le sucre, etc., on aurait vraiment beaucoup de calories à l'intérieur. Mais est-ce que les bonbons se mangent? ben, les bonbons peuvent se manger par la suite, mais là, ça va devenir calorique. Non, c'est ce que je veux. Et ça va être... Ouais, ben, faut que tu défasses ça de ta poche. Faut que tu sortes ça de ta poche. Voilà, faut travailler ta poche, blablabla. Bla, bla. Uh-huh. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. T'es mieux, je pense, de t'acheter du jelly bean à part. C'est ça. C'est noté. On en aura un qui va goûter comme légèrement épicé, légèrement fruité mais en même temps. C'est ça, mais y a-tu une petite tendance dans le fruit ou dans le... Bah, ce qui dit printemps dit aussi renaissance au niveau des fruits, des feuilles, des fleurs, blablabla. Beaucoup de saveurs. Oui, vraiment intense au niveau saveur. Il y a même certaines choses qui vont rappeler d'anciens thés. Des choses qui vont être totalement nouvelles. On est vraiment dans une collection totalement, je vais pas dire exclusive, mais vraiment sensationnelle. Ok. Mais l'an dernier, quand la collection printanière est sortie, je suis comme, certains, je suis pas sûr. Rien que non, en lisant les descriptions, je suis comme, pas sûr. Okay. Là, j'ai mais lu cette année, c'est béton. J'ai lu les descriptions, je suis comme, waouh, waouh, waouh, waouh. Sur les 5, je fais, waouh. Wow. Ou comme dirait si bien ma collègue. Ah, il y en a juste 5? Oui, ouais. Ben 5 thés par collection saisonnière. Okay. Donc, on va retrouver la boîte de dégustation avec les 25 ça grammes. Ça, qu'on peut se procurer tout le temps. Exactement, 25 genre. Et 50. La boîte avec 5, 25 grammes à l'intérieur. Donc, il permet de faire environ une petite dizaine de tasses de chaque. Donc, voilà pour les essayer. Mmh. Ah, c'est pas cher. Non, c'est le fun. Quand même. Pour vrai. Et donc, ça permet vraiment justement d'avoir une très belle vision d'ensemble de la collection au complet. Avant de faire un choix et de venir s'acheter des 325 grammes. Ouais. Donc, quand t'aimes pas ça, tu le trouves long un petit peu le temps. À 325 grammes, ouais. 325 grammes, c'est comme pour 160 tasses de thé. Oh! Hey! Wow! Ben oui. Ah non, ça c'est le pot ou le gros sac? Ben le gros sac, vraiment le gros ouais, sac. Ouais, le gros gigasac. Ouais. Ouais. Le pot, c'est combien? Le pot, c'est un 100 grammes par la grande majorité. Okay. En sachant que présentement, on a les boîtes de couleurs. C'est vrai, elles c'est sont nouveau. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il a l'air vraiment content de ses boîtes de couleurs. Hein. Les boîtes de couleurs sont vraiment belles. J'en ai acheté une de chaque couleur justement pour me faire 8 petites étagères chez moi. Ah, comme... c'est concept ça. Très comme concept. Tu vas t'ouvrir un commerce et tu vas appeler ça non. Ben, Xavier's Tea. Xavier's Tea, non, ça va être. Non, je voudrais pas faire concurrence à mon patron que j'aime. Ah oui. Et, donc, c'est ah, j'y vois sur le site internet vos nouvelles. J'allais voir si c'était cute. Là, c'est cute. Ben oui. Boîtes colorées qui sont à 2,50 la boîte. Rouge, mauve, noir, jaune, bleu, vert et brun. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, dans le fond, ça fit vraiment avec les couleurs, dans le fond, les thématiques de thé. C'est pour ça, justement, que je m'en suis acheté une de chaque couleur pour avoir une sur chaque étagère. Je vais... Même les deux teintes de verre, là, il y a deux verres différents. Bah, dans le fond, c'est normalement le vert du thé vert et, dans le fond, le vert pâle, mais vert très, très pâle, qui est censé être vraiment pour le thé blanc. Ah, parce que blanc, ce serait pas assez coloré pour toi. Parce que, dans le fond... J'essaie d'imaginer des cannes toutes blanches, puis je trouve ça comme vraiment plate. Drabe. C'est ça. Ouais, je pense que... Ouais. Donc voilà, donc boîtes qui sont à 2,50. Et on vous offre un petit rabais de 50 sous si vous mettez un 50 grammes de thé et plus à l'intérieur. C'est surtout pour ça que ça vaut la peine. Parce que dans le fond, on fonctionne exactement comme si vous aviez déjà acheté une boîte avant et que vous veniez pour la faire remplir. Ce qu'on appelle, nous, en langage de staff, un tin refill. Un tin refill. Ah, c'est cute, hein? Ben, 2,50, c'est pas cher. Ben non, c'est vrai, là. Même si t'as pas de thé dedans, là. Ben, c'est ça. Surtout qu'au bout de 5 retours en magasin pour les faire remplir, on a amorti le coût de la boîte. Et puis, c'est quelque chose qui garde le... Ben, si vous voulez mettre des herbes à l'intérieur, du thym ou je sais pas quoi, non, mais c'est des feuilles de laurier, ça se garde frais facile. Moi, je dis, j'aime ça. J'aime ça. Je clique, j'aime. Oui. C'est approuvé. L'étampe Xavier là-dessus, là. Poing! Ouais. C'est quoi, je disais sur le site internet, tant qu'à te poser des questions. Ben oui. Est-ce que tu nous as déjà parlé de Rumé vers l'or, le Gold Rush? Oui, ben je devais vous en emmener, on l'a lancé jeudi dernier. OK. Rumé vers l'or, une autre bon, thé. J'ai quoi, capoté, ça? J'ai capoté quand j'ai goûté. On a reçu les sacs, on l'a pas ouvert avant le 28, 26 février qu'on l'a ouvert, si ma mémoire est bonne. Ça fait très longtemps, ça fait un an et demi que j'ai pas eu de montée d'émotion quand j'ai ouvert un sac oh, de wow, thé. Une petite lame là, sur le coin de la joue. Là. Je te jure, j'ai ouvert le sac. Il y avait ma gérante qui était en train de servir des clients. Moi, j'avais personne, donc j'ai commencé à préparer la boîte. J'ai ouvert le sac. C'est comme si le temps s'était arrêté autour de moi. L'émotion m'est montée jusqu'à la gorge. J'avais les yeux qui commençaient à être pleins d'eau. Oui. Je fais comme, Marie, il y a des émotions là-dedans. Voilà, donc petit mélange de thé blanc by Moudane avec des mûres blanches et de la noix de coco. Il est passé vraiment en numéro 1 de mon top d'été dans la compagnie. Donc, wow. Alors c'est ça que tu bois là? Présentement, j'arrive au magasin, je m'en prends au moins 2 par jour. Donc là, aujourd'hui, je vais travailler à partir de 11h jusqu'à la fermeture avec préparation de la collection printanière. Et croyez-moi, je vais boire au moins deux tasses de ruée vers l'or. Il est à 11,50 pour le 50 grammes. C'est un thé blanc, donc il est un peu plus dispendieux. 50 grammes, tu fais quoi? 50 grammes, je vous dirais, c'est environ une vingtaine de tasses. OK, quand même. Puis justement, le thé blanc, on n'hésite pas à mentir un petit peu le coup. On le fait infuser 3-4 fois, justement, pour vraiment étendre tout ça, extraire tous les antioxydants, les minéraux, etc. On laisse juste infuser une minute de plus à chaque fois pour que le goût soit toujours un petit peu plus présent. OK. Et puis, pour faire sécher, en fait, tu le retires, puis tu le laisses sécher à l'air libre? Ben, ça, tu peux le laisser sur le comptoir si tu le consommes encore dans la même journée. Si tu veux le faire dans une autre journée, mets-le dans le frigidaire, s'il te plaît. Pour dans un sac Ziploc? Pas nécessairement. Du moment où tu vas le mettre dans le frigidaire, dans le fond, ça va arrêter un petit peu la propagation de bactéries. Donc, une fois que ça va être au frais, ça va être correct. Ce que je vais conseiller, c'est de ressortir l'infuseur peut-être en 5-10 minutes avant de le faire réinfuser la fois d'après, si tu le mets dans le réfrigérateur pour que ça revienne à la température ambiante, okay. pour éviter un gros choc thermique pour les feuilles. Mais sinon, je te dirais que c'est pas mal ça. Mais passez l'essayer, il vaut vraiment la peine. Si malheureusement, je vous vois pas au magasin cette semaine. C'est passé cette semaine. Mais... Je sais que ça fait longtemps que je suis ça. Oui, mais j'aimerais ça m'acheter des petites cannes de couleur. Oh. Ouais. C'est vrai que c'est... Ça t'achète. C'est attirant. Oui. Puis, non, mais j'aimerais ça goûter à Gold Rush. Ruée vers l'or. Puis orange chocolat, moi, c'est sûr que je vais aller m'acheter. Je sais que je veux acheter ça. Ben voilà. Puis justement, tu pourras aller dans le concept et puis prendre la petite boîte brune de puer Puis mettre ton ruée vers l'or dedans. Ton Gold... Orange chocolat. Il n'y a pas encore la petite boîte or. Non, malheureusement. Mais dans le fond, justement, pour les promotions, pour faire la promotion d'été du mois, on a toujours des étiquettes spéciales pour cet été-là. Donc là, on peut avoir vraiment le 50 grammes déjà préfait. On arrive en magasin, on peut prendre directement un sac qui est sur le comptoir. Et ça va être vraiment 11,50 sans taxe. On n'oublie pas que le thé est essentiel à la vie. Oui, c'est ça, c'est quelque chose quand même. Hein? Donc vous pouvez vraiment préparer un 11,50 pile, arriver en magasin, vous dire « Ah, je veux prendre ça », vous le déposez sur le comptoir, on vous le fait payer direct, on vous donne la facture, vous repartez. C'est peut-être très comme rapide. Les vieilles personnes, là, ils ont vos petites monnaies de portefeuille. « Un du chien, on met un autre du chien. » Ils sont fatigués. Ah, mais il y a des jeunes qui font « Oh, ça m'est déjà arrivé aussi de me faire payer en rouleau de change directement. » Oui. Mais ça, c'était quand même le fun. J'ai déjà fait ça dans le temps. Dans ta grande jeunesse. Ouais, ça. Quand tu roules des rouleaux. Oui. Bon, donc voilà. Merci beaucoup, Xavier. Ça faisait un petit peu le tour de l'actualité de cette semaine. Donc, l'actualité. Waouh. Ah, waouh. Si t'avais une intro qui disait actualité, c'est pas pire? Pas sûr. Non? Pas sûr. Ça finit mal, je trouve. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer cette semaine pour venir déguster à partir de demain matin la collection printanière. Oui. Gold Rush qui va être présent tout au long du mois de mars. Concernant Baiser Brûlant, notre thé vert, je l'aime cannelle, encore, etc. Hein? Je l'aime encore, celle-là, moi. Ben, on ne sait toujours pas s'il devient permanent ou pas. OK. On va se renseigner. Je vais essayer de vous revenir là-dessus la semaine prochaine. Ça à partir de combien de tasses commence à tanner, là, tu sais? Ah, ben, ça dépend. Ouais, c'est ça. Ça dépend lesquels. Mais mettons, j'ai acheté Piège à ours. Oui. Super bon. Ben, mais après 2-3 tasses, c'est comme trop. Ben, 2-3 tasses d'affilée ou 2-3 tasses 2-3 jours de suite. OK, voilà. C'est mais ça. T'annes vite des fruits, des fois, tellement. Ben, ça, faut jongler un petit peu. Faut jongler, faut changer, faut passer à un autre, revenir à lui. C'est toujours ça. C'est ça. C'est toujours en allant voir ailleurs qu'on apprécie mieux ce qu'on a. C'est ça, le gazon toujours l'air plus vert du côté du bord du voisin. C'est ça. Dans le... Du côté du bord du voisin. Dans son gazon, avec sa clôture. Ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de... Ne file pas dans la crotte de son chien, par exemple. Calé, hein? On va essayer. Essaye de voir si le chien n'est pas attaché. Aussi. Oui. Ça pourrait être pratique, si jamais. Des fois que c'est un caniche, ça peut être dangereux. Un caniche? C'est dangereux, un caniche. C'est dangereux, un caniche. Échangez votre caniche pour une canisse de Fetevinsky. Hein? Ah oui! Les liens sont faits. On termine ici. Merci, Xavier, encore une fois. Ça fait plaisir. Puis donnez-moi des nouvelles au courant de la semaine. Je pense que Assemblage Requis va écrire « Merci, Xavier, en tout cas, pour son plat qui nous a ramené. » C'est clair. Et un petit commentaire. On va faire ça. Et n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions à Xavier, passez par la page Facebook d'Assemblage Requis aussi. Le message sera transmis. Oui! À qui de droit? Ouais. Voilà. Lundi prochain, à 8h, pour Tais-toi Cuisine. Comme toujours. Oui. François, nous, on continue avec la musique d'Audionaute. Oui. Excellente pièce Métropole. Et après ça, qu'est-ce qu'on a déjà? Nicolas Charme. Oh! Charme du sport qui nous parle des Patriotes hockey, je pense. C'est quoi la danse du coude que Xavier est en train de faire? On dirait un poulet. C'est comme le... Mais ça, comment? Ben, c'est ça, voilà. Ah, c'est le poulet! C'est ce qui est dans la boîte. Oh, wow. C'est concept, ça. Il met dedans la noix de coco. En frappant sur la c'est un poulet des îles. Oh. pense. Offre du charme, du sport, tout ce qu'il vous faut pour bien commencer la journée. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, il est 8h31. 8h31, c'est à peu près ça. Exactement. C'est l'hockey. 5 mars! Déjà le 5 mars! C'est vrai, c'est la fête de tous les gens qui ont comme nom de famille 5 mars. Mmh. On les salue. Bonjour. Bonjour. Mais là, on va parler de sport avec Nicolas Ducharme. Voici Ducharme et du sport. Ça résume tout, ça. Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières, bon matin. Bon matin, messieurs. Ça va? Ben, ça va? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien, merci. Ça va bien, comme tu dis, 5 mars. On tire vers la fin, hein? La fin de l'hiver. Il reste deux mois à peine, genre la fin de la session universitaire pour les étudiants. Attends, il y a des chances que ça soit allongé là, de façon que c'est parti. À cause de la grève, hein? Ouais, mais c'est des possibilités. Là. Je sais que ça se tient le 14 ici, le vote de grève. Donc, Et d'ici là, il faut rappeler tous les jours que non, on n'est pas en grève en ce moment. Non. Pas ici. Je sais pas si ça va passer. Je sais pas. J'ai été, comme on dit, filer le beat. Ça a l'air quand même séparé, je dirais. Là. Ça tire des deux côtés. Au début, vois-tu, au début, moi, je t'aurais dit non. Je pense pas qu'il y ait de grève, mais de plus en plus, on dirait... Tu sens le mouvement? Ouais. OK. Un petit peu. Ça va être intéressant à suivre quand même, j'ai l'impression. Ouais. Hey, messieurs, j'y vais tout de suite. Je vous parle des Patriotes de l'UQTA, les Pats qui étaient en action. C'est fini, non? C'est pas fini pour les Patriotes, pas totalement. Qui était en action cette fin de semaine, ben, je vous avais compté, là, j'avais dit qu'on avait affronté McGill une sixième année consécutive. Le fameux duel dans la division Est de la OUA. Les deux équipes qui se haient comme chat et chien, comme pensait quelqu'un qui ne les aimait pas. Comme Jerry. Ou comme Mathieu Plante et du sport. Mathieu Plante du sport. Dans les Simpsons, le chat et le chien. Et Chee Scratchy. Et Chee Scratchy, exactement. Pucci. C'est un très bon épisode. Pucci est un mauvais personnage. Oui, exactement. Ouais, on change pas de recette gagnante. Donc, après l'avoir avoir été vaincu 5-3 mercredi dernier, les Patriotes se déplaçaient, la série se déplaçait à Trois-Rivières pour le deuxième et peut-être dernier match de la série. On sait des 2-3, donc tu fais face à l'élimination dès la première défaite. Eh bien, les Redmen de McGill l'ont emporté 5-4 en deuxième prolongation sur les Patriotes de l'UQTR. Écoutez, un excellent match, je dois l'avouer. Un match qui aurait pu aller des deux côtés. Et malheureusement, dans cet affrontement-là, ce sont les officiels qui ont décidé de la rencontre. Ouais, c'est vraiment ce qui est dommage. On était en deuxième... en troisième période, on a décidé de ranger les sifflets. Faites ce que vous voulez. J'ai mal à la langue. Mais on a quand même appelé des pénalités. Là. Voyez-vous, là, les 5 des 6 dernières pénalités ont été appelées contre le Canadien. Contre les Patriotes. Aucune idée pourquoi j'ai dit ça. Contre les Patriotes. Donc, à partir de là, c'est correct. T'as décidé de serrer ton sifflet, tu décides de laisser jouer. Mais il y a eu des appels qui n'ont pas été faits. Je pense entre autres à un coup de bâton. Du côté de McGill. Un bâton élevé sur Olivier Donovan. Ça n'a pas été appelé. À un autre moment donné, Pierre-Luc Lessard, qui construit une attaque dans la zone neutre, se fait faucher les jambes. Rien d'appelé. Rien. Et ce qui a été le jeu qui a décidé le match, c'est 4-4. On est en deuxième prolongation. Pierre-Alexandre Jonca, qui a été frappé dans le dos. Maxime Langeillier, parent des Redmen de McGill. A reçu un 5 minutes. Il a été éjecté de la partie. Pénalité méritée, peut-être de notre angle, c'était un petit peu difficile à dire. Certains m'ont dit... l'impression que j'avais aussi, c'était plus du bruit, de la vitre. Donc, j'ai eu l'impression plus on s'est frappé du côté de l'épaule que directement dans le dos. Mais on met Jonca dehors. 5 minutes de pénalité contre les Patriotes. Ça fait mal. Là. Ça fait mal, ça mais... Ça fait mal à tabarouette. L'affaire, c'est que... 3 secondes avant, Jean-Sébastien Breton, avec la rondelle, fait le tour du filet. Bâton élevé, touche la visière à Jonathan Breton. Jean-Sébastien Breton, c'est pas appelé. Et directement après, il y a le Jonca qui frappe l'enjeillé par an. Donc... à partir de là, ouais. Au minimum, les forces auraient été nivelées pendant 2 minutes. Mais peut-être qu'il y aurait eu un coup de sifflet parce que du côté de l'Angélie Parent, on a touché à la rondelle. Ça, il n'y aurait pas eu cette pénalité-là. Donc... Parce que 5 minutes en série. Ça a pris un petit peu moins de 2 minutes là, pour voir McGill inscrire le but. C'est Andrew Wright, là, sur un tir pas tout à fait de la ligne bleue, là, mais un petit peu en avant de la ligne bleue, qui a réussi à battre Guillaume Nadeau, qui avait plus de bâton en plus. Donc, il n'y avait rien qui allait bien pour Nadeau. C'est terminé pour les Patriotes. Quand même, là, terminé pour cette série-là, pour les Patriotes. Olivier Donovan qui joue un super match, David Chabot-Malte aussi. Ce que je trouve dommage, c'est de voir deux officiels comme ça décider de l'allure de la rencontre, décider de la série, carrément, alors que ça allait super bien, je trouve, au niveau Au niveau de il y avait 79 personnes lors de ce match-là. C'est bien. Il avait commencé à avoir une popularité autour de ça. C'est plus de monde qu'il y avait au Coron et Gay la veille. Il commençait à avoir une popularité, ça commençait à se parler un petit peu dans les médias montréalais. Je pense qu'un match hier, dimanche, à McGill, ça aurait été une très belle foule. Ça aurait été, ça aurait attiré l'attention, un bon spectacle. Ça a tombé à l'eau à cause de ça. Bon, peut-être que McGill l'a remporté aussi. Bon, voyez-vous, les lancers dans ce match-là, là, c'est 49-35 en faveur des Patriotes. Comme je dis, c'est un match qui, à mon avis, aurait pu aller des deux côtés, mais que les Patriotes méritaient énormément. Ça n'a pas été fait, donc dommage. Et là... Mais là, c'est sûr, là, tu disais que c'était pas fini. Ouais, ben attends, d'ici là, là je veux juste vous lire les déclarations de Jacques Laporte, l'entraîneur Jacques Laporte, après le match. Suite à la défaite. Suite à la défaite, à propos de ce que je vous parlais, à propos de l'arbitrage. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. L'ego d'un arbitre en est un. J'ai toujours pensé que le sort d'un match se décidait entre une équipe ou l'autre, mais ce ne fut pas le cas ce soir. Mercredi, nous avons été indisciplinés, mais ce soir, nous ne l'avons pas été. Bon, c'est ce qu'il a dit. Puis, il a dit s'il y avait un superviseur ici ce soir et qu'il accepte ce qu'il vient de voir, superviseur des officiels, bien sûr, et qu'il accepte ce qu'il vient de voir, le développement des arbitres au Québec est en déroute. Il vient de nous empêcher de nous rendre au championnat canadien. OK, mais c'est sûr que lui, écoute, il prend ça dur aussi. D'autant plus que c'est peut-être sa dernière saison. Selon les rumeurs, oui, là. Donc, on va voir à partir de là. Mais, oui, il prend ça dur, mais on a totalement raison du côté des Patriotes d'être frustré. C'était gênant comme performance d'arbitrage. Si tu ranges ton sifflet, tu le fais pour les deux équipes. Ben oui, t'as pas le choix. Ça n'a pas été fait. Donc, malheureusement. Voici ce qui se passe maintenant, là, du côté. Bon, ça, c'était quand même une sixième année de suite là, que les Patriotes se font éliminer par McGill. Là. C'est correct. On est étonné. Oui, on est frustrés, tout ça, là, mais six années de suite, là. Ça fait mal. Là. C'est pas deux ans, c'est pas trois. Six mais c'est une bonne équipe quand même, McGill. Ah, McGill, oui. Mais là, on est sur la fin d'un cycle, McGill. L'an prochain, là, attendez-vous à ne pas les voir en haut du classement. OK. Ah, ouais. On perd les. J'ai pas vérifié là, exactement les noms, mais je pense qu'il y a les Marc-André Dorion, les Francis Véropol, les Alexandre Picard-Hooper, Evan Boston qui quitte, probablement le gardien Hubert Morin aussi. Là, donc, les gars, qu'est-ce qu'ils font après? Est-ce qu'ils continuent de jouer au hockey? Ben, ils s'en vont dans le senior? Ça dépend de ton talent. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'autre jour, il y avait un recruteur des Kings de Los Angeles qui est venu parler avec Francis Véropol. Donc, à partir de là, probablement, tu peux te retrouver avec un contrat professionnel, peut-être dans les games américaines. Il y a des joueurs Club qui école. Ont réussi, Club École, tout ça. Il y a des joueurs qui ont réussi, par exemple, Mathieu Darche. Bon, Mathieu Darche a joué McGill pendant 4 ans avant de faire le saut. Le saut chez les professionnels. Mais après McGill, qu'est-ce qu'il a fait, Mathieu Darche? Il a joué dans les games américaines. Okay. Puis lentement, je pense que c'est Lightning de Tampa Bay qui l'a rappelé ici et là. Bon, mais t'arrives chez les professionnels déjà à 24 ans, 25 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es pas Crosby, là. Non, c'est ça. T'es déjà vieux. Tu sais, ta carrière est déjà très, très avancée. C'est déjà entamé, là. C'est ça. Mais c'est l'aboutissement de tes efforts. Ben, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive après ça? Il y en a qui vont aller jouer dans la Ligue américaine. Il y en a qui vont aller en Europe. Il y a beaucoup d'anciens patriotes. C'est ça. Il y en a qui sont seniors. C'est selon ton talent. C'est selon ton vouloir. Bon, t'as un diplôme. Et puis, tu peux jouer, en fait, universitairement jusqu'à quel âge? Y a pas d'âge. T'as pas d'âge? Tant que tu continues tes études? T'as droit à maximum 5 ans. OK. OK, donc, puis c'est rare les joueurs qui vont se rendre à 5 ans là, cette année. Il y en a deux, Alexandre Demers et Jean-Sébastien Breton. L'an dernier, il y en avait un. Puis l'année d'avant, je pense qu'il y en avait même pas. Là. Donc, c'est quand même rare les joueurs qui se rendent à 5 ans. C'est quoi, ils finissent leurs études, puis... Oui, ils finissent leurs études. Tout dépendant de t'étudier à quoi. On passe un autre. Ben souvent, il y en a qui vont étudier, ils vont prendre 4 au lieu de 5 cours par session. Donc, ça rajoute un an. Un an, donc il faut 4 ans. Il y en a qui vont décider d'aller à la maîtrise. Ça, c'est vu aussi. Il y en a qui... Il y a d'autres joueurs pour qui le choix va être de prendre un certificat, faire un certificat en d'autres choses pour continuer à jouer au hockey. C'est ça, il y en a qui doivent continuer en cours pour continuer à hockey. Ouais, c'est ça. Ouais. Un va pas sans l'autre. Ouais. Donc, t'étudies, tu peux jouer au hockey. Puis, comme tu dis, après ça, là, on décidera. Bon, Patriotes, sortie de la série. On n'a pas accès à la Coupe Queens pour cette année. Non. Ça va se jouer entre Western, qui l'ont emporté hier 2-0 contre les Lancers de Windsor, et McGill. Par contre, c'est pas terminé pour les Patriotes. Parce que là, ce qui se passe avec le championnat national, je vous l'expliquais la semaine dernière, ce qui se tient avec le championnat national du côté de l'Université du Nouveau-Brunswick, la Conférence de l'Ontario a droit à trois places au championnat canadien. Ça va se décider entre, c'est-à-dire les deux premières places sont réservées pour les deux finalistes de la Coupe Queens et la troisième confrontation, le troisième poste va être offert à l'équipe qui va remporter un match suicide, qui va se tenir ce samedi à Trois-Rivières entre les Patriots et les Lancers de Windsor. C'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Je vous dirais que... On peut s'attendre à quoi? Ben c'est ça. Je vous dirais que s'il y avait un adversaire qu'on voulait affronter entre Western et Windsor, c'est Windsor du côté des Patriots. Les Lancers qui ont surpris les Thunderwolves de Lakehead en demi-finale de division du côté de l'ouest de l'Ontario se sont retrouvés contre Western. Ont une bonne formation. Ils ont quand même battu Western. Ça, ils se sont rendus là. Ça a pris trois matchs là, pour venir à bout de. Pour que Western aussi ça vienne à venir à bout des Lancers. Là, probablement, malheureusement, manque de planification. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job, là. Mais le match ne tiendra probablement pas au Colisée de Trois-Rivières. On a oublié de réserver la glace. Oups. Mais où, tu sais, le deadline était trop short, ils pouvaient peut-être non, pas non, réserver. Non. Tu le sais, là. Tu le sais avant la série que si tu gagnes pas, tu vas avoir un match qui va se tenir ce samedi-là. Ouais. Donc là, ça va être où? Ben là, on parle du pavillon de la jeunesse, là, le pavillon Claude Mongrain, là. Malheureusement, il rentre... Pavillon de la jeunesse, c'est où, ça? C'est à côté. C'est l'autre. C'est exactement l'autre arena, là, ce qu'on appelle communément à Trois-Rivières, l'arena de poche. Ouais. Donc, non, c'est vraiment pas très grand. C'est pas grand, c'est pas chic. Et je suis désolé, là, mais il y avait presque 700 personnes. Il rentre pas 700 personnes, là. Le match est à la télé. C'était sur TV Cogeco. Les caméras rentreront pas. Ben, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce qu'on va faire du côté de Cogeco. C'est assez grosse erreur, finalement. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est tenir ça du côté du centre sportif Alphonse Desjardins. Pas le choix. On a gaffé du côté. Il y a quelqu'un qui a gaffé. L'arène Jean-Guy Talbot. Ben, Jean-Guy Talbot. Parce qu'au complexe, ben, Desjardins, il n'y en a pas. De patinoire? Ouais, il y a une patinoire d'à peu près 7-800 sièges. Et c'est pas Talbot? C'est où est-ce que les estacades de Trois-Rivières évoluent. C'est un arena qui est... Ah ouais, il y a déjà un arena. Qui est nouveau. Il y a un arena. OK. Tu vas voir le tout. Il y a un arena. Les estacades évoluent là. C'est 9-9 comme arena. Il y a des sièges seulement d'un côté. Mais pourquoi ils en font un autre d'abord? Un plus grand? Ben oui. Ouais. Le nouveau Colisée va avoir environ 5125 places. L'autre, il y en a 700. Là. Ça ne joue pas dans la même ligue. C'est pas la même chose. On parle de loge, on parle de... Mais ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Le Colisée? Ben, le Colisée, en fait, il appelle ça comme ça. Le nouveau Colisée, tu veux dire. Oui, ben oui, c'est sûr. Ça va remplacer le Colisée qui est ici? Ben, on va pas foutre à terre le vieux Colisée. On va l'appeler l'ancien Colisée. Mais pourquoi ils n'ont pas rénové celui-là à la place? Ah non, c'est pas rénovable, celui-là. T'as déjà été au Colisée, là? Ouais, j'ai déjà été. À la limite, écoute, OK, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas une blague, mais au pire, tu le mets à terre pour t'en construire un autre, dans le sens qu'il est plus central, non? Ah, OK, je comprends. Non, c'est-à-dire que dans le dossier du nouveau Colisée, on a du financement de la commission scolaire là-dessus. Parce qu'il y a, y a plusieurs équipes des estacades qui vont évoluer là. Le building, en se retrouvant sur un territoire scolaire, a accès à certains programmes du gouvernement pour obtenir des crédits, pour obtenir donc... Chose qu'on n'aurait pas pu avoir ici, chose qu'on n'aurait pas pu avoir... Ben, l'UQTR, il n'y aura pas de crédit qui va se construire sur l'UQTR. Non, mais exemple qu'on aurait voulu... Ça aurait peut-être pu se faire. Encore là, c'est pas la commission scolaire pour l'université, donc c'est un peu différent. Donc, c'est le pourquoi ça se retrouve là. L'autre chose, bon, on est rendu avec un pôle central de sport du côté du centre sportif Alphonse Desjardins. Là, c'est concentré, Ça reste dans ce plan-là qui s'inscrit en 9 phases qui vise à développer le sport, à faire quelque chose de central à Trois-Rivières qui se retrouve là-bas du côté d'Alphonse Desjardins. Il va peut-être juste falloir adapter tout, mais là, pour l'instant, il n'y a même pas d'équipe là, qui s'en vient là. Il n'y aura pas de junior là, semble-t-il, en tout cas à court terme, parce que les Cataractes de Shawinigan ont la... On a un veto sur le ville de Trois-Rivières parce que c'est à l'intérieur de leurs 40 km de territoire. OK. Donc, du côté de... Quelqu'un voudrait amener une équipe de la Ligue d'hockey junior majeure. Faudrait que ça soit approuvé par les Trois-Rivières. Ouais, ben, faudrait acheter sûrement le droit territorial des Cataractes. Ça doit chiffrer à au moins 1 million. Donc, attendez-vous pas à avoir du junior majeur. Peut-être la East Coast Hockey League, encore là, faudrait être le club école du Canadien de Montréal si on veut que ça ait un peu de succès. Bref, là, c'est pas... Mais je pense pas. Ben, pour le Canadien de Montréal, présentement, le club là, dans la East Coast... Est-ce qu'il va se déménager à Laval? Non, pas de la Ligue américaine, la East Coast. OK. En dessous. OK. Oui, en effet. Le club école. Le club école. Okay. Exactement. Ça vient loin un peu, là, mais... Ah, oh, il y a quelques joueurs. David Dernay jouait là il y a quelques années. Yaroslav Halak a joué dans la East Coast. Il y a quelques bons joueurs qui vont passer, mais bon, c'est une ligue qui est... Les gars ont quel âge, à peu près? C'est des jeunes professionnels, souvent, avec... Il y a quelques... 17, 18, 19. Non. Ben non, c'est junior, ça. Ben, les East Coast, d'abord. La East Coast, ça va être du... à partir de 20 ans jusqu'à... Il y en a qui peuvent jouer là jusqu'à 30... Greg Rivet joue présentement dans East Coast. Oh, ouais. OK. Il aime le hockey. Il joue du côté d'Almira, là. Popé drop. Ben, une bonne drop. Il a fait son argent, puis il joue pour l'amour du hockey. Il joue pour la fun. Il joue pour l'amour du hockey présentement, là. Il est du capitaine au moins? Je pense que oui. Pas qu'une chance. Regarde là, mais je pense que oui. T'es comme pas chouette. Oui. Donc, moi, c'est pour ça que je disais, au Centre Alphonse Desjardins, je pense que ça aurait été ce qui aurait été le plus plausible. Oui, il y a des estrades seulement d'un côté, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Jacques Talbot, c'est parce que c'est difficile un peu pour la télé, c'est petit. Pareil pour Jérôme Côte-Noir, c'est petit. Je pense que du côté des Patriotes, la décision, c'est le pavillon de la jeunesse. C'est parce qu'au moins, on va être dans nos affaires. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Ça. C'est pas loin. Ben, ça reste le même vestiaire. C'est-à-dire que c'est un corridor qui... Mais là, c'est pas le même corridor. Donc, on reste dans nos affaires. Je pense que c'est ce qu'on veut. Mais c'est vraiment pas génial, hein? Non. La personne qui a fauté, pas fort. Quelqu'un pas l'a drapé, il l'a échappé. Quelqu'un qui est pas fort. Qui est occupé à réserver ça? Je sais pas. Hey, je continue, monsieur, mais je vois le temps avancer. Donc, du côté des Lancers, c'est vraiment l'adversaire qu'on voulait affronter parce que si Western avait emporté, c'est les Patriots qui devaient aller dans l'Ontario. Donc, on parle de 10 heures d'autoroute. Là, c'est le contraire. C'est les Lancers qui doivent venir ici. 12 heures d'autoroute. C'est le fun, ça? 12 heures d'autobus. C'est pas nécessairement agréable pour personne. Donc, tout est du côté des Patriots pour l'emporter. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est ce samedi. Jusqu'à tout, je vais vérifier. Je vais faire mes vérifications aujourd'hui. Donc, regardez ça dans l'écoute de Trois-Rivières. Je vais le mentionner ce mercredi. Parfait. Et si on gagne, on passe à... Championnat national, mon cher FO. OK. Et ça se déroule où? Fredericton. OK, parfait. Nouveau-Brunswick. Donc, on se retrouve parmi les 6 meilleures équipes au pays. C'est bon. À partir de là, on sait jamais ce qui peut arriver. Ça paraît bien. On sait pas ce qui peut arriver à partir de là. Je change de sujet. Soccer, masculin, soccer féminin, les demi-finales, quart de finale plutôt, c'est décidé. Donc, comme je disais tantôt, la semaine dernière, UQTR va affronter Concordia du côté des filles. Mais ça va être à Trois-Rivières, même si les filles ont connu une moins bonne saison. Quand je parlais du centre sportif à Alphonse Desjardins, la qualité des installations à Alphonse Desjardins fait qu'on veut venir jouer des matchs du côté des autres équipes, venir jouer des matchs à Trois-Rivières. Donc, c'est ce dimanche à 14h pour les filles. Et les gars aussi, ça va se tenir ici. C'est ce dimanche à 16h pour les Patriotes de l'UQTR. Et en volleyball, les filles disputaient 3 matchs cette fin de semaine. 2 victoires, 1 défaite pour les représentants de l'UQTR. On l'a tout d'abord avorté 3-1 contre l'UQTR vendredi. Avant d'affronter LUCAC samedi, une victoire facile de 3-0. Et LUCAM, LUCAM l'a emporté facilement 3-0 contre les Patriotes. C'est terminé pour la saison au volleyball. On s'en va en saison éliminatoire. Les demi-finales, ça se tient tout aussi à l'UQTR. Donc, on est en feu. Ça va être le 17 mars prochain. C'est un tournoi qui se déroule sur une journée. On va couronner les championnes avec ça. LUCAM va affronter LUCAR. LUCAC va affronter l'UQTR à 11h. Et les deux gagnants vont s'affronter en finale à 16h. Donc, parier sur une finale UQAM-UQTR. Bref, la répétition de une copie conforme de ce qui s'est déroulé la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais l'année dernière, alors que les Patriotes l'avaient emporté. Donc, c'est ce qui conclut pour les Patriotes. Ouais. Je voulais t'interrompre, Nick, Nicolas. Vas-y. Nicolas Cage. je sais pas si tu te rappelles, la semaine passée, on a parlé un petit peu des dates limites de transactions de temps de hockey. Ouais. Ouais. Moi, en tout cas, je me rappelle comme c'était hier et je me rappelle que tu as dit quelque chose en particulier. Nashville pourrait faire une transaction. On parle beaucoup d'André Costine qui pourrait aller rejoindre son frère du côté de Nashville. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir, eux autres? C'est plus qu'est-ce que le Canadien peut... Donc, Nick, tu te rappelles de ça? Oui, un joueur qui termine sa saison, qui va être agent libre sans compensation. Donc, en partant, ça fait baisser sa valeur de façon énorme. Ça va être peut-être un deuxième choix. Un deuxième, un cinquième choix. Un genre de... Rewouche. Donc là, tu te rappelles de ça? Là. Oui. Ton signe de coupage de cou me faisait penser qu'il fallait que j'arrête avant ça. Non. Mais, ben oui, écoute, sans me vanter, Ben, ça a bien été. Ça ressemble à se vanter pas mal. C'est pas mal à ça. Sur celle-là, tu l'as bien eu. Je suis pas mal fier de mon coup. Deuxième, cinquième choix, c'est exactement ce que le Canadien a obtenu. C'est-à-dire qu'on a repris notre ce qui était une condition, là, un cinquième choix conditionnel là, on a, du côté de Costin. C'est pas mal la seule transaction. Il est allé rejoindre son frère, d'ailleurs. Ouais, ben là, c'est ça. C'est... Puis comme je vous disais, du côté du Canadien, on a obtenu pas mal ce qu'on pouvait obtenir le maximum pour André Costin. Nashville a été fin d'envoyer un deuxième et renvoyer le cinquième choix du Canadien ici, là, de, qui datait de l'échange de Hall-Gill, là, qui avait été inclus. Donc, si on regarde ce qu'on a obtenu du côté de Nashville. Un paquet de troupes. Un paquet. Non, mais on a obtenu Hall-Gill, André Costin, du côté du Canadien, deux deuxièmes choix. Pas un cinquième choix, il est revenu. On a obtenu des coupes de joueurs. J'ai un petit blanc sur la transaction d'Orgue. C'est la seule transaction que je voulais revenir dessus. Là. Le reste, je pense que c'était. Geoffrion, on l'a pas eu de là, hein, non? Oui, Blake Geoffrion, ouais. Et voilà, c'est ce que je cherchais. Blake Geoffrion, on a obtenu. J'ai un petit blanc, sors-moi donc ça, s'il te plaît. Faut, qu'est-ce que je tape? La transaction Orgue, Blake Geoffrion. D'ailleurs, Blake a disputé son premier match, ses premiers matchs à Montréal dernièrement. C'est pas Robert Slaney, puis. Robert Slaney, exactement. Slaney. L'ancien des Screaming Eagles de Cap-Breton. Et un choix de deuxième tour. Donc, Slaney, Geoffrion et un deuxième tour. Donc, Slaney, Geoffrion, un deuxième tour, un deuxième choix pour Hall-Gill, André Costin, qui était agent libre sans compensation. Je pense que c'est du boulot qui est correct du côté de Pierre Gauthier. J'ai vu aussi que Costin avait l'air comme déçu et de quitter Montréal, mais je sais pas si c'était vrai. Ouais, ben, t'es ici depuis le début de ta carrière, c'est sûr. Ouais, mais tu vas rejoindre ton frère quand même, puis tu sais, t'as pas tant de jeux ben. Non, c'est sûr. T'as beaucoup de pression. Il était certainement pas le gars le plus déçu sur la planète. Non, après un échange. Pas de doute. Je vous parle du match du Canadien cette fin de semaine contre les Maple Leafs de Toronto, mais avant, la veille de la rencontre, là, une des plus importantes de la saison là, pour les Maple Leafs, là, Ron Wilson qui se fait congédier, on amène Randy Carlyle à sa place. Moi, là, j'aime comment Brian... Ça, c'est à Toronto, là. Ouais, c'est à Toronto. Moi, j'aime comment Brian Burke fait les choses. Ouais? Pas de « on va nommer un coach intérim qui, à la fin de la saison, va être évalué avec une optique de peut-être... choisir un autre entraîneur Non, je comprends. Là, tu prends l'exemple du Canadien. Du Canadien, exactement. Du Canadien, mais en même temps, quand t'es en restructuration, écoute, tu veux pas... Non. Tu veux pas placer quelqu'un là... Hein? Le terme... Veux-tu savoir pourquoi le Canadien joue mal comme ça? Ben là, first, là, écoute, des joueurs... Là, Moi, là, quand mon entraîneur est par intérim... On s'attend à Randy Connerworth, par intérim, ne sera pas de retour l'an prochain. Sûr. Non, c'est sûr. Et je pense pas le revoir dans la Ligue nationale de hockey. Ben oui, c'est pas un mauvais entraîneur. Là. C'est chien là, ce qui se passe avec Randy Connerworth. Là. On l'a lancé dans la fosse au Lyon. Mais en même temps, il l'a accepté aussi. Là, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que je te dis... Mais tu doutes bien de ce qui va se passer. Il faut que je te dis... Hey, c'est parce que si ça gagne pas... Écoute-moi. Toi, là, t'arrives... Tu te fais dire, FO, tu vas, ben regarde, ton poste à toi, là. OK? T'es le directeur général. C'est quoi ton terme? C'est vous, 89 FM, mais des médias étudiants. Je te dis, ouais, toi, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je te dis, on te met là-dedans, là, mais présentement, là, ce groupe de médias-là, là, tout marche, tout croche. Puis, ce que je te dis, c'est que t'es par intérim. Fait que peu importe tes décisions, il y a J'étais par intérim au début. Ouais, mais. T'as fini par avoir la job. C'est pour ça que je dis que t'es peut-être pas le bon exemple, là. Mais laisse-moi expliquer le cas. On a fait du côté de Pierre Gauthier, on nomme par intérim. Donc moi, je suis un joueur, je fais par intérim, il revient pas l'an prochain, anyway. C'est pas lui qui va me dire comment faire. Ouais. Puis, Geoff Molson qui rajoute après ça, l'embauche du prochain coach devra parler français. Le prochain entraîneur devra parler français. Boum! Donc c'est officiel qui répond. Ça a sorti, là? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Geoff Molson, ils l'ont dit. Il peut aller suivre des cours de français, le gars, quand même. À un moment donné, ça s'apprend le français, là. Ouais, mais hey, dis-toi, là, ton équipe est dernière au classement. T'as d'autres choses à penser présentement, là, OK? Des cours intensifs avec les petits écouteurs, des petites cassettes. C'est ça, le mardi, je peux pas me présenter la partie du mon cours de français. Mais regardez, alors là, moi, je suis un joueur dans le vestiaire du Canadien, je regarde ça, je fais, ce gars-là revient pas l'an prochain, c'est pas lui qui va m'évaluer. Pourquoi je me force? T'es pas ma mère. Non, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, les gars au stade où ils sont rendus, là, jouent pour leur fiche personnelle, puis ça fonctionne pas plus. Tu sais, dans le sens que. Ils jouent pas pour leur fiche personnelle, ils jouent pas en équipe. Ils jouent pas de cours. Ils jouent pas de cours, exactement. Parce que. C'est pas à faute à. T'as aucune menace. T'as rien d'intimidant. Ben, t'as rien à intimider, c'est sûr. Devant Connie Ward, tu sais qu'il va être là à Montréal moins longtemps que toi. Et tu te mords, tu ris. Pauvre Randy Connie Ward. J'espère vraiment qu'on jugera pas sa carrière là-dessus. Puis j'espère qu'il va avoir une deuxième chance ailleurs parce que c'est pas un mauvais entraîneur, mais il est mis dans une situation qui est exécrable, qui est pathétique pour lui. Et c'est le signe, là. Regardez, Brian Burke, là. Mais Ron Wilson dehors, son gars était déjà choisi. Boom, c'est fait. Ron, tu t'en vas. Randy, tu rentres. Parle aux médias, très franc, explique ça. On n'a pas la compote de rien répondre, d'aucune réponse. Je comprends. De M. Gauthier, de Pierre Gauthier, qui va venir ne pas répondre aux questions des journalistes. Non, je comprends. Alors, regarde un gars comme Brian Burke à Toronto, là, puis moi, là... À la fin de l'année, là, j'espère que du côté de Geoff Monson, on fout tout le monde à la porte. Non, mais c'est ça qui va arriver. C'est que l'année prochaine, ouais. On va avoir un team flambant neuf. Mais je veux pas de la langue de bois de pas répondre à personne à Montréal comme c'est depuis que Bob Gainey est là. J'en veux plus. J'en veux plus, je t'en ai. Tu veux remonter cette équipe-là, ça te prend quelqu'un qui est charismatique. T'as pas choix. Tu peux pas descendre plus bas. Ben, c'est ça. On parle beaucoup de Patrick Roy. Ben, Patrick Roy sera peut-être pas aussi volubile que dans le junior majeur, mais est capable de parler. Certainement pas. Est capable d'être franc aussi. Non, okay. Non, tout à fait. Puis côté directeur général, j'ai pas arrêté mon choix sur qui je voudrais. Je pense que directeur général, faut faire attention. Entraîneur doit parler français, personnellement, doit savoir ça, parler français. Ça, c'est blague, parce que Don Cherry... Ouais, c'est ça. Mais au niveau du directeur général, si le meilleur choix disponible ne parle pas français, je peux vivre avec. Ben oui, tout à fait. Je peux vivre avec, là. La farce a assez duré, là, à un moment donné. Là. Tout à fait. Un coach, à la limite, moi, j'aurais pas... Scotty Bowman, il viendrait... Non. Ben, Scotty Bowman parle français, de toute façon. Oui? Ouais, mauvais choix que tu viens de faire. Encore une fois. Donc, c'est ça. Mais je pense que là, du côté du Canadien, là, pour ce qui est du directeur général, on doit y aller avec le meilleur possible. Mais t'as-tu des noms qui te viennent en tête? Ben, certains... Non, c'est ça. C'est touché, hein? J'ai pas encore arrêté mon choix. Il y a plusieurs choix. Certains parlent de Vincent D'Anfous, puis... Je l'écoute parler à la TV, puis il est intéressant, Vincent. Mais on y va encore avec un gars recru, un gars qui a jamais... un peu d'expérience. Oui, qui est très impliqué au niveau de l'association des joueurs, tout ça. Mais une autre recrue, là, on recommence. Là. Bref, on va se retrouver à Henri-Jean Houle. Et Mario Tremblay avait été engagé dans les années 95. En 95, on est là en 15, 16, 16, bientôt 17 ans. C'est ça le progrès que le Canadien a fait. Là. C'est pas fort, là. Le club, le meilleur club de tous les temps au hockey, 24 Coupes Stanley. On n'a pas fait aucun pas. On est revenu au point de départ. Ça commence à presser. On est revenu au point de départ et on n'a pas ramassé 200$. Non, vraiment pas. On a perdu 200$. Aucunement. Mais c'est ça commence à presser aussi. Non, d'un autre côté, on n'a pas perdu 200$, on a fait de l'argent à 6. Non, je sais, c'est très rentable. Mais énormément. Donc, on va voir. Match du Canadien, je n'en parle pas. C'était triste, défaite de 3-1 contre les Maple Leafs de Toronto. Ça va dans l'Ouest, là. C'est parti. Ça va dans l'Ouest pour toute la semaine. Donc, des matchs plutôt tard à RDS. C'est parfait. Hein? Ouais, j'ai pas ça, moi, ça. Moi, j'ai pas ça. Puis, regardez, c'est correct. Éloigner tout le monde, on n'en a pas... ça va assez mal comme ça. Je préfère pas voir ce triste spectacle. Hey, Cataract de Shawinigan, deux matchs cette fin de semaine. Défaite gênante un petit peu là, vendredi du côté du Saguenay. On menait ce match-là 4-2. On a laissé les Saguenayens remonter la pente en troisième période. 3 buts pour les Sags qui l'emportent 5-4. Pas tout à fait le type de performance que tu veux de ton équipe alors que il reste 5 matchs à faire là, à la saison régulière des Cataracts. Donc, pas tout à fait ce que tu voulais voir. Hier, par contre, on s'est repris du côté des Cataractes. On l'a emporté 5-3 face au Drakkar de Bécomo. Par contre, encore une fois, C'était pas si facile. Ben, on a laissé Bécomo remonter dans le match. On menait 4-0 du côté des Cataractes. 1-2-3 buts pour Bécomo en troisième période. Finalement, Yannick Veilleux est venu fermer les livres là, avec moins de 4 minutes à faire au match. Ça a fait 5-3. On a pu l'emporter de cette façon-là du côté des Cataractes. Mais certainement pas le week-end attendu du côté d'Éric Veilleux, du côté des Cataractes. Et là, au niveau du classement de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, bon ben les Sea Dogs de St. John's, on avance de 4 points maintenant avec 5 matchs à jouer, comme je vous disais, sur Shawinigan. Attendez-vous à ce que... Regardez, c'est fait. Là. Félicitations aux Sea Dogs qui viennent de remporter le trophée du président. Par contre, du côté des Cataractes, on ça doit... Ça me surprend quand même. Les Cataractes sont allés chercher un club. Là. Ah, ils ont une bonne équipe, mais les Sea Dogs ont une bonne équipe. Là. La différence, c'est que les Sea Dogs n'ont pas eu à vendre le club au complet. Ouais, c'est ça. Il y avait longtemps, ça remonte au repêchage de 2009, lorsqu'on avait un peu volé tout le monde. Des joueurs qui disaient, oh, ça va aux États-Unis, ça va aux États-Unis, qui étaient cachés un peu dans la... On avait des ententes cachées avec les Sea Dogs, puis c'est ce qui a permis là, de faire cette équipe-là. Des ratoureux, toi. Des ratoureux. Les Cataractes, deuxième, à 91 points. On se doit absolument protéger notre avance sur les Remparts de Québec, qui sont au troisième rang avec 89 points, si on veut s'assurer d'avoir l'avantage de la patinoire jusqu'à la finale de la Coupe du Président. Donc, du côté des Cataractes, on se doit absolument de réussir ça. Hey, je vous parle rapidement. Je vais terminer avec ça. Du côté de l'Ontario, il y a Connor Crisp. Exactement. Ça vous dit rien, hein? Non, je sais qu'il a fait. OK. Hier, dans un match entre les Ice Dogs de Niagara et les Otters de Erie, dans la Ligue d'Ontario, là, l'équivalent de la Ligue d'Hockey Junior du Québec. Otters des Otaries, là? Oui, les Otaries, ouais. Exactement. On était sur le bord du lac Erie, donc c'est ce qui explique. Les Otters n'avaient qu'un seul gardien de but. L'autre a été blessé la veille, commotion cérébrale. Le gardien Ramis Sadikov, mais dès la troisième minute de jeu, se fait geler. Mais gelé par un joueur de Niagara. Même le joueur qui a fait la mise en échec sur le gardien a été mis dehors 5 minutes à saut. Donc, on savait ce qu'on faisait du côté de Niagara. Hein? On voulait aller ébranler le gardien. Ben, il n'y en a plus. Les deux équipes rentrent au vestiaire suite à ça. On revient quelques minutes plus tard. Et il y a un gardien qui se pointe. Et du côté des commentateurs, on ne sait pas vraiment qui est-il. Il y a un nom dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a numéro 1, gardien de chandail, mais le nom Crisp. Puis les gars disent ah, ça peut pas être Connor Crisp, c'est un sound. Puis ils se mettent à regarder ça, puis ils font ah oh non, c'est vraiment lui. C'est Connor. On a habillé un joueur de sound qui était blessé depuis le début de l'année, n'avait pas encore joué dans les filets. En enrobage. Ça a bien été, oui. A reçu 46 tirs. Hey, c'est énorme. Ça s'est terminé 13 à 4. 13 à 4. Pour quelle équipe? En faveur de Niagara, bien évidemment. Mais a quand même reçu 45 tirs. Wow. Donc, a fait un arrêt sur 3 environ. Un arrêt sur 4. Pauvre gars. 3 arrêts sur 4 environ qu'il a fait. Donc, pas facile. Hey, non, mais pas facile. Regardez, ça a donné un moment de hockey quand même mémorable. Pas le choix, c'était ça ou... Un peu déloyal comme technique de l'autre équipe, par exemple. Ben oui, c'est un peu ça qui est le problème. C'est plate. Là. Puis je vous dirais que là, du côté de... Ben, c'est parce que ça fait un peu broche à foin. Là, ça fait loser. Là, ce qui arrivait, c'est que les gardiens qui sont affiliés dans le junior A et dans le midget sont en séries éliminatoires, donc ne pouvaient pas être là. Donc, on espérait beaucoup que le gardien Sadikov puisse durer tout le match. C'est pas arrivé. Donc, défaite de 13 à 4. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de la rencontre, bon, les joueurs des Otters ont été félicités leur gardien. Les joueurs de Niagara ont traversé la glace et ont été félicités le gardien aussi. Ah. Tout le monde a été lui donner une bonne félicitation. Ont reçu la première étoile du match. Ah ouais, vrai? Ah ouais. Donc, les choses. Un drôle de moment. Alors, OK. Donc, c'est ça pour les ça sports. Ça fait gérer la défaite un peu mieux. Et en terminant, je vous rappelle les Estacades Midget 3 qui ont remporté leur premier match des séries éliminatoires vendredi, une victoire de 5-3. 5 buts en troisième période du côté des Estacades. Mais hier, une défaite de 6-4. Donc, la série est égale et se transporte à Trois-Rivières ce vendredi. Merveilleux. Hey, je vais finir sur ma blague. J'espère que Crisp avait bien mis du tape sur sa palette. Palette de chocolat, Coffee Crisp. Yeah! Oh! Oh yeah! Oh yeah! Oh! C'était une bonne chronique, Nick. Merci Nick. À la prochaine lundi, 8h30, pour du charme et du sport. Ça a été ruiné, FO. Une bizarre de fin. Elle n'a pas spé. Donc, nous, c'est la fin de l'assemblage requis. On va se retrouver demain matin dès 7h pour une autre nouvelle édition. Et demain, à l'émission, on va voir Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. Ça va être super bon. Oui, on reçoit Marie-Pierre Laforge-Bourret aussi. Non. Elle est en semaine de relâche. C'est la semaine prochaine. On va voir Sébastien Dulude demain avec une chronique bonus. Bonus. On va se faire un petit voyage à Moronville ensemble. OK. Moronville. Fantastique. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi? En tout cas, plein d'autres choses. On verra bien. On s'en va. Puis on revient demain. On vous laisse au bon soin de notre célèbre sécheuse. Ensuite, à 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, la rediffusion des Palmarès C'est fou avec moi-même et Justine Renaud en tant qu'animatrice invitée cette semaine. Oh oh. À 16h, après ça, vous irez voir CIF.ca. Puis il n'y a rien qui se passe. C'est la semaine de relâche. Ouais, c'est la semaine de relâche. C'est vraiment plus tranquille. C'est de la sécheuse pas mal tout le temps. Yes. Donc voilà. Puis on se quitte avec Galaxy et la chanson Requin Tigre. Bye bye. Yeah. Tu tapes sa palette de chocolat. Ouais, boy. Et, ouf. moi.